la chance déjà de l'avoir ici. Je la voulais aussi, et j'espère, mais je la commencerai avec une participation de vous. Et si vous avez des questions, évidemment, ce serait très, très intéressant. Et je vais demander à Georges Schwitzgebel, donc merci, de venir me rejoindre, Georges. Donc on va commencer avec Georges Schwitzgebel. On va parler un petit peu, puis j'ai voulu que Boris Labbé... Ah, installe-toi. Merci. Que Boris Labbé, parce que on verra, il y a des, je pense, des ponts entre les deux, entre leurs deux univers. Donc voilà, Georges était venu il y a 2-3 ans pour nous montrer, pour faire une conférence sur, sur son travail, et qui était assez passionnante. Et là, j'ai voulu juste que ça soit un dialogue plus informel, on va dire, autour de son travail. Hop, j'ai tellement l'habitude de hurler que j'ai bien oublié les micros, fallait me le dire. Hein, hop. C'est bon. Ouais. Parfait. Question qui est très simple. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé à vouloir travailler comme ça sur les métamorphoses, les transformations et le jeu visuel qui fait un peu une grande partie de ton cinéma? Est-ce que c'est venu dès le premier film? Est-ce que c'est au fur et à mesure? Il me semble que c'est tout de suite que j'ai eu envie de faire ça. Parce que je suis venu à Annecy dans les années 60 et que j'ai eu l'occasion de découvrir des films qu'on ne voyait pas ailleurs. Et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire. Donc j'ai un peu. Sur autodidacte, comme les gens de mon âge en général, il n'y avait pas d'école à l'époque. Donc c'est en voyant des films que j'ai eu envie d'en faire. C'est, alors évidemment, je vais vous montrer à chaque fois des petites images. Hop. On va avoir. Alors, c'est pas tout à fait le premier. Hop, ça, c'est pas tout à fait le premier. Ça, c'est. Alors, évidemment, vous faire montrer des images de cinéma, genre je le sens, mais le son, c'est absolument une hérésie. C'est toujours une hérésie, mais alors là encore plus. Là, on voit hors-jeu. Ça, c'était donc, complètement du rotoscope. C'est après avoir vu Yellow Submarine, qui est une séquence de Lucy in the Sky, que qui m'avait ébloui. Essayer de faire quelque chose avec cette même technique. Et la rotoscopie, tu l'as abandonnée à un moment donné? Pourquoi? Tu pensais en avoir fait le tour ou J'ai fait encore un autre film, non, avant celui-là, un film plus court, Perspective. Ouais. Dans celui-là, il y avait une tentative à raconter une histoire qui était un peu échouée, mais la technique était la même. Et puis après, j'ai fait encore des parties de films avec le rotoscope, des détails dans 78 tours, et puis dans le sujet du tableau. Mais c'est très séduisant d'utiliser la rotoscopie, mais c'est un peu limité quand même. On sent le mouvement réel derrière. Et j'ai abandonné cette technique pour faire des choses peut-être des fois plus maladroites, mais ça donne plus d'invention que chaque fois avoir la prise de réel derrière l'image. C'était donc 78 tours, on voit une image. C'est là où là on a. Voilà, ouais, j'avais bon. Filmé, petite film, peut-être en avant juste une fraction de seconde, puis j'ai imaginé le reste, facile. Facile, mais il y a déjà cette obsession et ce jeu sur le mouvement à l'intérieur d'une image qui est présente. Ça vient de la musique, la passion pour la musique, toi, elle vient d'il y a longtemps, même avant l'image ou au même moment? Le premier film, c'était avec de la musique existante, c'est vrai, le Bodycar, ouais. Parce que j'avais une idée visuelle d'avoir ces petits points comme dans les journaux lumineux. Et il me semblait que ça allait bien être clavecin. C'est pour ça que j'avais donc choisi un morceau de musique. Mais il y avait cette connaissance, je ne sais pas, t'es adolescent, la musique classique était déjà présente, ou que ça arrivait à quel moment? Parce que c'est surtout la musique classique que tu utilises. Ouais. Bah, j'ai beaucoup la musique classique. Bon, mon père, il écoutait les symphonies de Beethoven qui avaient le mercredi à la radio. Mais c'est venu plus tard, c'est plutôt une amie qui, elle, connaissait, qui m'a fait découvrir les quatuors à cordes, tout ça. Et c'est plutôt à 20, 25 ans que j'ai aimé beaucoup la musique classique. Donc un peu avant faire des dessins. J'ai bien écouté, je ne suis pas du tout musicien, je n'ai pas une très bonne oreille, mais j'adore écouter la musique classique. Et est-ce que dans ce cas-là, il y a l'écoute, est-ce que c'est revenir sur des anciens morceaux que tu connais, tu dis, tiens, ce morceau-là est intéressant pour travailler dessus, ou non, c'est des fois... Des fois, on écoute à deux genoux, là, ça c'est pas mal, mais... Quelle est la différence entre travailler sur un morceau préexistant, notamment classique comme ça, et travailler avec un Roger, avec un auteur? Est-ce que tu leur demandes toujours la musique avant? Parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, évidemment. Ou non, tu as un rythme dans la tête, tu vas dire, voilà, j'ai travaillé comme ça. Est-ce que tu peux me créer une musique qui va avec ce rythme-là? Quand on utilise une musique existante, c'est beaucoup plus difficile de vouloir raconter une histoire, par exemple. Parce que en écoutant la musique, chacun imagine un monde un peu différent. Moi, j'essaie de l'interpréter à ma manière, cette musique. Mais oui, si on veut faire un film narratif, c'est quand même mieux de le faire d'abord en image et puis d'avoir une musique après. Enfin, de demander à quelqu'un de composer la musique. Dans mes films, à peu près la moitié sont faits avec des musiques existantes. Ça, c'est une des grandes problématiques, c'est cette narration. Et tu dis, est-ce qu'il faut une narration ou pas une narration? En fait, tu dis, toi, c'est pas la première chose qui t'intéresse. C'est la narration qui vient en deux. Si la narration, c'est bien, mais que c'est avant tout la recherche visuelle et l'enjeu visuel. En tout cas, c'est ce que tu dis dans des interviews à des moments donnés. Je sais pas si ça peut être l'inverse maintenant, mais. Non, mais bon, c'est quand même un peu décevant quand on a envie de raconter une histoire et que personne ne la comprend. Donc même si ça peut avoir d'autres intérêts. Mais, par exemple, dans mon dernier film, Ergonique, là, il y avait un petit avantage, c'est que la musique, elle raconte la même histoire. Simplement, moi, j'aimais beaucoup cette musique, mais je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est quand j'ai su de quoi ça parlait que j'ai eu envie de faire le film. L'adaptation, c'est entre guillemets pratique et pas le beau terme, hein, mais c'est ça permet comme ça de travailler. Est-ce que je vais trouver que voilà, par exemple, quand vous connaissez là, c'est L'homme sans ombre, qui est une adaptation, d'un voilà, c'est venu d'un roman, une nouvelle d'Albert Chamisso, la merveilleuse histoire de Peter Schlemihl. C'est un écrivain franco-allemand de l'époque des guerres napoléoniennes, et puis il était mal reçu parce que il était considéré comme un Allemand par les Français, comme un Français par les Allemands. Ça, je reviens sur l'idée d'adaptation. Ça, ça permet justement d'avoir une base. Quand tu disais, c'est toujours dommage quand les gens ne comprennent pas. Là, au moins, t'en as fait quelques-uns comme ça où t'as une base déjà solide. Sur lequel tu travailles. Voilà, oui, j'ai essayé de raconter cette histoire, donc quand même sans dialogue, mais avec les images, puis la musique est venue après. Est-ce qu'il y a déjà eu envie de dialogue? Parce que si je ne m'en fais pas de dialogue. Non, je ne l'ai encore jamais utilisé. Peut-être dans celui que je suis en train de faire, je crois que je ne vais pas y couper. C'est un peu difficile de faire sans dialogue. Ou en tout cas un commentaire. Est-ce que la narration, elle vient maintenant? J'ai l'impression, en tout cas, tu parles plus de narration, tu dis, tiens, le film, c'est dommage si on ne comprend pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des fois où il y a eu des films dans le passé où les gens disaient c'est beau, mais je comprends non, pas ce qui se passe. Non, ça dépend un peu de l'idée. Quand il y a une idée visuelle, par exemple, on n'a pas besoin de narration. Mais quand l'envie de faire un film vient d'une histoire, alors à ce moment-là, c'est là qu'on a peut-être envie que les spectateurs suivre plus ou moins l'histoire. Est-ce qu'on peut avoir aussi, et voilà, ça c'est. Je vous passe quelques images comme ça, vous voyez à chaque fois, encore une fois, désolé pour. J'espère que vous connaissez pour une partie. Est-ce qu'on peut partir sur un sentiment, sur juste une petite, entre guillemets, réflexion sur, je sais pas, sur une petite thématique, si c'est retouche, par exemple, et puis développer comment tu développes, finalement, d'un seul coup, il y a une idée de base et comment ça se développe par la suite? Ouais, l'idée de base, c'était de modifier un peu quand on efface, on corrige un dessin, de faire la même chose sur un mouvement. Donc il y a un mouvement, puis on aimerait le transformer en un autre mouvement. Donc, c'était ça l'idée du film. Et puis j'ai utilisé des cycles de différentes grandeurs, le plus long étant un cycle de 4 secondes, l'aller-retour d'une vague, 2 secondes, 2 secondes, 96 images. Et puis tous les autres cycles, 32, 24, 16, le plus court, 8 pour les battements d'air, tous les autres cycles étaient inclus dans, par exemple, 3 fois 32, ça fait 96, ou 4 fois 24, ça fait 96. Chaque fois, c'était des cycles qui pouvaient s'inclure dans le plus grand. Voilà, alors bon, après, pour le musicien, c'est Normand Roger qui a composé la musique, il avait ce rythme dans l'image. Donc il a eu d'ailleurs une très bonne idée, c'est qu'il a pris le tempo de 16 images qui correspond à 180 ou 160 secondes. Enfin bref, il a pris ce tempo, mais ternairement, il l'a divisé en 3 et 16, ça ne divise pas en 3. C'est une très bonne idée parce que ça veut dire que c'était pas complètement. Ça tombait tout le temps sur la musique, mais pas toujours. Ça faisait un peu de distance. C'est comme ça que tu parles avec les musiciens existants, c'est à quelqu'un comme Normand Roger, c'est en disant presque des choses mathématiques. Pas forcément sur le sujet, pas forcément la mathématique. Mais... Moi, j'étais vraiment surpris. Pourquoi il n'a pas fait Pourquoi il a fait un dernier alors que 16, ça ne dit pas ma part, mais en fait, c'était une très bonne idée. J'ai compris après pourquoi c'était une bonne idée. Donc tu laisses des fois comme ça la possibilité aux musiciens. Ah oui, mais je ne suis pas musicien, je ne pas. Et puis j'estime que il doit, quand on collabore avec quelqu'un, il doit pouvoir faire de son mieux, donc ce n'est pas à nous de dire de quoi faire. Donc je collabore qu'avec des musiciens parce qu'autrement je travaille seul. Je reviens sur la question sur comment est développé par exemple dans Retouche. Est-ce qu'il y a un scénario qui est vraiment écrit très, très précisément? Est-ce qu'on est plutôt sur un storyboard et une animatique? J'ai normalement, pour vous montrer, pour continuer, là par exemple, il y a le storyboard de la course à l'abîme. Voilà par exemple qui est sur un DVD. Est-ce qu'on est dans. C'est quoi la base d'un film de George Fusible? Il y a toujours un storyboard et puis maintenant je fais beaucoup de light tests avant de vraiment commencer le film, l'animation. Mais c'est des light tests avec des croquis très petits, enfin rapidement faits, pour avoir une idée générale du film, tout le montage en fait. Puis je corrige, je change, si j'ai déjà la musique, pareillement. Et c'est seulement quand ça prend à peu près une année en général, jusqu'à ce que j'ai le light test ou l'animatique, je ne sais pas comment on va appeler ça, qui me convient, puis après alors je fais l'animation au format des dessins, donc et je regarde encore l'index que ça donne, mais ça c'est moins important, c'est juste pour les détails. Mais donc là on reste dans la technique, mais moi ce qui m'a impressionné, c'est ça, c'est les images sont donc pas de scénario, rarement des scénarios, écrits rarement au moins un premier jet avec des mots, mais dessus dans l'image. Un synopsis comme ça. Oui, c'est très utile parce que des fois on a une idée visuelle et puis c'est assez utile d'arriver à l'expliquer simplement qu'est-ce que c'est. Quand on n'y arrive pas, ça veut dire que l'idée n'est pas très claire. On croit qu'elle est claire et puis si on n'arrive pas à dire ce que c'est, ça va être la même chose. Le résultat va être la même chose. Donc c'est très utile de faire un scénario non seulement pour aller chercher de l'argent, un storyboard, un synopsis, mais aussi pour soi-même. Parce que mes premiers films, dans les trois premiers films, il n'y avait pas encore d'aide financière de l'État à l'époque. Je les faisais dans mon temps libre et puis je n'ai pas fait de scénario. Quand j'ai commencé à faire un storyboard avec tout ça, c'est parce qu'il était possible d'obtenir de l'argent. C'est pour montrer le projet. Mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était utile, pas seulement pour ça, mais aussi pour ça même. D'accord, donc c'est venu un outil en fait utile pour toi par la suite, alors qu'au départ c'était vraiment purement utilitaire, on va dire, pour récupérer les financements. C'était vraiment purement pour ça. Le premier que j'ai fait, oui, c'était pour le ravissement de Frankenstein. C'était à l'époque, il y avait la possibilité donc de déposer un dossier. Et c'est-à-dire que tu as tout en tête. Je sais que c'est à peu près des questions qui peuvent être un peu. Voilà, mais c'est juste, ça veut dire que pour être dans la tête, 5 secondes de George Fitzgerald, tu as tout en tête quand un film est fait comme ça, parce qu'il y a tellement d'images qui viennent les unes après les autres. Je me demandais justement voilà, s'il y avait au moins, même sur une feuille, tu écrivais, bon ben là, je sais pas, un cheval passe, là il passe devant un moulin, là il y a ça. Et il y avait, ou alors il y avait. Parce que c'est très difficile de faire de l'improvisation, évidemment, on le sait, en animation, en tout cas, c'est pas évident d'avoir. Donc, voilà, c'était vraiment ça. C'est surtout ces événements qui arrivent au fur et à mesure dans des films. Non, en tout cas, c'est tout le temps très très précis avant de faire le film. Oui. Par exemple, pour le film Retouche, sur une feuille, il y avait vraiment toutes les images, le nombre d'images. Par exemple, le module le plus court, 8, et puis tout le film était sur une feuille. J'avais tout le film à l'image près, oui. Mais pas à cause de ces rythmes. Pour un film où il y a l'homme sans ombre, comme là c'était narratif, c'était plutôt, il y avait ce qui était important dans ce, enfin, pour mon scénario, il y avait trois parties. Une première partie où il y avait beaucoup d'ombre, puisque comme il allait la perdre, il fallait la montrer beaucoup d'ombre. Et puis ensuite, quand il devient riche, il y a une partie où c'était des décors plus détaillés, mais pas beaucoup d'animation, mais c'était des fonds lieux, des déplacements. Puis ensuite, quand il retrouve non pas son ombre, mais les bottes de cet lieu, c'était de nouveau de l'animation, une caméra subjective, donc on le suit avec ses bottes de cet lieu. Donc il y avait ces trois parties dans le film. Bah, bien sûr, elles étaient mesurées aussi. Les déplacements, tout était donc prévu. Mais il y a quand même, là, dans un film comme ça, il y a quand même des changements qui peuvent se faire en réalisant le film. Tout à coup, on voit qu'un plan est un peu trop long, ou des choses comme ça. On parle beaucoup de technique quand il y a des rencontres avec toi, parce qu'elle est tellement importante, évidemment, cette technique dans ton cinéma, mais il y a aussi des thématiques qui se mettent en place. Il y a aussi des choses qui, d'un seul coup, évidemment, L'homme sans ombre est sûrement un des films très, très important pour ça, où ça joue sur la perte de l'identité à un moment donné, qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres films par exemple. Est-ce qu'il y a des fois des thèmes qui te passionnent, peut-être qui t'intéressent et que tu as envie de pousser un petit peu plus? Oui, mais j'ai souvent utilisé le mythe de Faust. Au début, c'est venu d'une commande pour un long métrage où chacun devait faire un film sur ce thème-là. Il ne s'est jamais fait le long métrage sur ce thème-là. Et comme moi, j'avais déjà bien avancé, je l'ai finalement produit moi-même, enfin, avec les aides de l'État, de différentes télévisions. C'était le sujet du tableau. Ce film, même si on ne le voit pas tellement, on ne s'en rend pas compte quand on le voit, il est sur le thème de Faust. Mais comme j'avais beaucoup lu là-dessus, ensuite, La course à l'abîme, c'est le même thème, mais en fait, ce qui m'a motivé pour faire ce film, c'était plutôt une idée visuelle, une technique. Donc, ici, un grand cycle, c'était venu d'un détail du sujet du tableau, où à un moment donné, pendant quelques secondes, disons 12 à 15 secondes, c'est un cycle de peut-être une seconde et demie sur lequel je me déplace. C'est un paysage, on voit de l'herbe qui bouge, des arbres aussi, et puis des oiseaux dans le ciel. Donc j'ai fait ça avec peut-être une vingtaine de dessins, et puis je me suis déplacé dessus. Et après je me suis dit, pourquoi pas faire un film en entier avec la même technique. Donc La course à l'abîme, c'est la même chose, mais c'est pas une seconde, c'est 6 secondes. Puis c'était un grand dessin, non pas divisé en 4, mais divisé en 36. Donc, c'était ça l'idée. Mais par contre, je me disais sur quel sujet. Alors, j'ai pris le sujet de Faust en mettant un orchestre au milieu qui dirigeait tout ce qui se passait autour. Et puis la musique, c'était la musique, c'est sur le thème de Faust. La course à la Bible de Berlioz, c'est une des parties de ce. Non, c'est pas un opéra, mais un oratorio, je crois. Ah, donc, le film est né de deux idées, une idée visuelle, puis le thème que j'avais, la musique. Puis je crois que j'ai encore. Et puis, Peter Schlemihl, L'homme sans ombre, ça, on m'a donné ce livre en me disant que sans doute j'allais faire un film avec ça, ben, j'aime bien dessiner des ombres. Et puis, c'est aussi plus ou moins des mythes romantiques comme Faust, cet écrivain de la Faust Chamisso, il a repris plein de. Le thème du romantisme allemand. La jeune fille et les nuages, là aussi on est sur, sur des datations ou en tout cas sur une... La jeune fille des nuages, c'était plutôt l'idée de faire un film sur les nuages, d'abord seulement, parce qu'on venait de déménager au 13e étage d'un immeuble avec des magnifiques ciels, presque chaque jour. Et puis, en lisant un livre de Jacques Courbeau, qui s'appelle « Ciel, terre, ciel », c'est un manque de Louis Pau, c'est un homme âgé qui visite une exposition d'études de nuages de Conceve à Londres, puis il se remémore quand il était enfant pendant la dernière guerre, le juif, il était caché dans une grange, il voyait que une lucarne avec des nuages, c'est ce qu'il voyait que ça. Alors, il fait un mélange entre son souvenir d'enfance et cette exposition avec des nuages tout à coup. Ça m'a aidé en me disant je vais utiliser des nuages pour faire une ponctuation de d'un autre récit. Puis j'ai pris Cendrillon parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup. On peut très bien raconter l'histoire de Cendrillon juste avec deux images, on comprend tout de suite. Donc c'est venu de là. D'accord, donc c'est venu toujours. J'ai l'impression que depuis qu'on parle, ça vient quand même avant tout d'une envie visuelle, quasiment. Presque tout le temps dans tous tes films, c'est vraiment d'un seul coup un enjeu visuel, et puis d'un seul coup ben, tu te raccroches ou tu retombes sur une histoire ou quelque chose, à part là on a dit L'homme sans ombre, où là on t'a amené le livre, mais c'est souvent quand même cette envie visuelle avant tout. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est souvent, ouais, parce que l'animation, ça devrait être avant tout visuel, le mouvement et les images et la musique. Bien sûr, c'est pas si évident, surtout pas mal de choses changent et qu'aujourd'hui, peut-être dû au fait qu'on demande beaucoup de lire des scénarios, des choses comme ça, le cinéma aussi, l'animation change peut-être aussi un petit peu. Et pas que sur cette idée visuelle, peut l'être aussi, c'est pour ça que je. Oui, bon, par rapport au scénario, c'est vrai, il y a d'excellents films ou d'excellentes idées qui nécessitent un dialogue ou un commentaire. Le fait de. Là, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, mais par exemple, de s'impliquer de temps à autre. Là, c'est. 1er mars 2010, c'est un film commandé par Marcel Jean, le directeur ici, sur Jafar Panahi, cinéaste iranien emprisonné. Ça t'arrive assez peu, finalement, ce genre de. D'amour au cinéma. C'est parce que Marcel Jean avait demandé à plusieurs réalisateurs de faire ça, et puis ça m'a intéressé de participer à ce projet. C'est très court, 30 secondes. À part, il y avait aussi Théodore Bouchef qui était dans les gens au début, il a fait 3 minutes parce qu'il travaillait très vite. Et puis il a bien fait des choses comme les autres, donc c'est ça, il avait travaillé. Je vous montre quelques images pour voir. Est-ce que ça, c'est Paul Guicard? Donc on est sur des choses différentes. Est-ce que tu regardes des films de temps à autre, des anciens films, en disant tiens, ça j'ai fait ça de telle manière, j'aimerais bien peut-être pousser ça d'une certaine manière, ou non, une fois qu'un film est fait Non, moi j'aime bien regarder. J'aime bien, ça m'arrive d'avoir des rétrospectives. Bon, j'aime bien déjà voir comment, techniquement, si c'est correct, mais j'aime bien revoir mes films quand il y a des gens dans la salle, parce que on se rend mieux compte des défauts ou des qualités. En général, quand on vient faire un film, on n'a pas d'avis vraiment, on n'est vraiment pas objectif. Ça prend quelques mois avant d'être plus objectif sur son film. Est-ce que à un moment donné, il y a eu ça, qui était une Akounine? Qui est un projet complètement différent. Oui. C'est venu comment ce projet, qui est donc un projet hein, qui se passe en Chine. Oui, ça c'est en Chine, et puis c'est la première fois que j'allais dans ce pays. Et c'est impressionnant, Shanghai, parce que tout le monde, surtout l'été, tout le monde vit dans la rue. Et j'ai fait beaucoup de photos, un peu volées, parce que je ne suis pas un photographe professionnel. Et je faisais depuis mon vélo dans la ville de Shanghai. Et puis par la suite, quand je suis resté une année, j'apprenais le chinois. Et quand je suis rentré en Suisse, à Genève, je me suis dit pourquoi pas faire un film avec toutes ces photos en les classant par ordre chronologique un peu. Et puis aussi de la banlieue au centre de la ville, et en même temps, ça finit sur un carrefour, le carrefour qui était le plus animé à Shanghai à l'époque. C'est drôle de voir maintenant. Donc, l'idée aussi, c'était que je me déplaçais sur des images avec le son. J'avais aussi un enregistreur avec moi. À l'époque, c'était des Sony mini-cassettes. Je ne sais plus. Donc, l'idée, c'était le son qui se déplace. Et puis, quand on arrive à la fin du film, je m'arrête à vélo, il y a un carrefour. Et puis, à ce moment-là, ça part sur une image. C'est l'image qui bouge, c'est plus des déplacements sur des photos fixes. C'est l'image qui bouge. Par contre, le son, il est je ne bouge pas, j'attends que le feu devienne vert. C'était ça l'idée. Dans le film, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais disons le dynamisme du son, on ne peut pas bien se rendre compte, c'est une idée. C'est ça pour ça que j'ai fait ce film. La technique est différente, le visuel est différent, mais il y a toujours cette idée de presque de cycle à l'intérieur du film. Et c'est différent des autres films. Mais, là, il n'y a pas de cycle. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, il y a comme un rythme qui se met en place. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, en voyant le film, si ce n'était pas le terme, en effet, il y a un rythme qui se met en place, presque qui fait écho aux autres de tes films. Ah, mais disons ça, c'est involontaire, c'est comme la durée des plans, les mouvements sur les photos qui sont plus compliqués au début, il n'y a pas de mouvement, puis ensuite ça commence des zooms, des déplacements. Après, j'ai voulu laisser, comme je vous ai dit, la parole, j'aimerais juste qu'on passe sur quelque chose d'un peu plus. Qui est moins sur le cinéma, mais il y a eu un moment donné, il y a eu la création, et ça c'est quand même intéressant d'en parler, du studio GDS. J'aimerais juste que tu nous en parles un tout petit peu, pourquoi c'est arrivé quand. Et pourquoi il y a eu cette envie, ce besoin peut-être de créer à un moment donné un studio? Donc, j'étais aux arts décoratifs et on avait un professeur qui faisait du dessin animé en Super 8 qui nous a parlé du Festival d'Annecy. Donc, la première fois que je suis venu, je crois que c'était en 64, et puis encore en 66, je me rappelle. Et donc, l'envie de faire des dessinés, de faire des films d'animation est venue à cette époque. Mais j'apprenais graphisme aux arts décoratifs. Quand j'ai terminé, j'ai travaillé dans une agence de publicité pendant 5 ans. Ça, c'était pas dans ma film d'animation, mais avec Daniel Souter, on était ensemble à l'école, puis on s'est retrouvé brièvement aussi dans cette agence, où il y avait Claude Luyet, qui était un peu plus jeune, qui était apprenti à l'époque, et on a parlé de faire des films d'animation plus tard. Mais on a loué un atelier, puis on a commencé dans les années 60. Et puis, on a fait des génériques pour la télévision. La télévision suisse, à l'époque, avait des titres animés. Ils demandaient à l'extérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça eux-mêmes. Daniel Souter avait travaillé comme graphiste pour coller des lettres à l'époque, on faisait comme ça, des génériques. Donc, il connaissait quelques réalisateurs, c'est pour ça qu'on a pu être en contact et avoir ses commandes. Donc, on apprenait en même temps à faire de l'animation. Et puis, on a eu une commande un peu plus importante de Zurich, un long film documentaire à l'intérieur duquel il y avait des séquences d'animation. Alors, c'est là qu'on s'est décidé de devenir indépendant. On a arrêté notre métier de graphiste pour devenir indépendant. Mais on ne pouvait pas vivre de ça. Mais à l'époque, on a continué notre métier de graphiste en tant qu'indépendant, des affiches, des choses comme ça. En plus, on pouvait trouver du travail temporaire très facilement, du jour au lendemain, alimentaire. Ça a duré une dizaine d'années comme ça. Et puis après, quand il y a eu l'occasion de tenir de l'argent pour faire des films, et puis avec quelques prix dans les festivals, j'ai pu en faire d'autres, puis c'est devenu mon travail à plein temps, petit à petit. Mais ça a pris du temps, c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de dans la jeune génération, des films qui font, des gens pardon, qui font des films quasiment dès leurs 20 ans, assez tôt on va dire. Toi, le Volicar, c'est à 30 ans quand tu réalises le Volicar. On va même avoir, après perspective, c'est une question que j'avais toujours demandé, Orgeux est en 77, et le ravissement Frankenstein est en 82, il y a 5 ans. Est-ce que c'est à cause du film qui qui est complexe pour Einstein, ou est-ce que c'est justement parce que tu travaillais à côté en attendant pour... Oui, mais non, c'est aussi parce que je travaillais à mi-temps ou tiers de temps ailleurs pour avoir assez d'argent, parce qu'en fait, je ne gagnais pas avec l'animation. Et puis, comme il n'y avait pas d'école, quand même, il fallait un peu apprendre par soi-même. Maintenant, quelqu'un qui fait une formation dans une école, c'est à 20 ans, mais techniquement, il est capable de... Moi, c'est mieux que ça. Non, mais c'est... Et après, en fait, il y a une incroyable régularité, c'est 2-3 ans à peu près pour chaque film. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'à peu près, à partir du moment où tu as l'idée, à partir du moment où... Non, tu me disais, en fait, que même quand tu fais un film, tu as déjà l'idée du prochain qui est dans ta tête. Voilà, quelquefois... Comme dans le film, le sujet du tableau, ça m'a donné envie de faire d'autres films, carrément le suivant pour La course à l'abîme, ou bien tout à coup, peut-être 10 ans plus tard, une idée. Il y a des fois plusieurs pistes quand on fait un film, alors ça peut faire un autre film. Studio GDS, il y a aussi il y a d'autres travaux qui sont que tu fais, comme des affiches. Il y en a quand même quelques-unes. C'est un travail que tu aimes bien faire. Elles sont tout petites. C'est sur le site. C'est un travail que tu aimes bien, l'illustration comme ça. Oui, ça c'était pour sauver un lieu qui devait devenir un parking et qui a été sauvé. Pas grâce à mon affiche, mais pas parce que beaucoup de gens ont voté pour que ça soit préservé. Et puis maintenant, c'est une salle de spectacle toujours. Et ça, le côté affiche, le côté fixité, ton cinéma est tellement en mouvement, on l'imagine. Enfin, voilà, c'est mieux des bases, en effet, dans ton cinéma. Le fait de faire des affiches, c'est un graphiste, disons. Ce qu'on préfère faire quand on est graphiste, en tout cas à l'époque, c'est les affiches et les logos. Enfin, c'est ça qui est le plus intéressant, plus que une annonce pour vendre de la viande, des meubles. Une affiche culturelle ou un logo. Il y a aussi, alors tout à l'heure, je montrais des choses différentes, mais tu as travaillé aussi là, sur des peintures murales, par exemple, ce genre de choses hein, que tu as pu faire. Ça, oui, ça c'était une commande, il y avait les centenaires du jet d'eau de Genève, mais ce n'était pas pour ça, non. La commande, c'était une façade. D'un immeuble qui a été restauré, puis la ville de Genève a mis en concours, mais un concours sur invitation, on était 3 personnes, puis c'est moi qui ai été choisi. J'ai fait une anamorphose du jet d'eau, donc si on se trouve à un point précis, on voit le jet d'eau. Sinon, on voit ça. Ah, mais ouais. Ouais, d'accord, on voit les deux. C'est pas des choses que tu vas chercher, c'est des choses qui sont plutôt des commandes. Où toi, c'est vraiment cinéma avant tout, et puis si jamais on demande une affiche, on demande ce genre de choses, tu vois, ah, tu le fais, mais c'est pas quelque chose. Non, mais de moins en moins, parce que maintenant je préfère quand même faire des films, mais suivant la commande, on m'a aussi demandé de décorer un édicule en face de chez moi. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez des questions pour Georges Zébal, oui, sur le rapport à Bonjour. Vous êtes un des pionniers de l'animation. Du coup, vous avez sans doute vu toutes les améliorations techniques qui ont suivi ce média durant les dernières années. Je me demandais si ça vous influençait dans votre travail ou si ça vous donnait peut-être des nouvelles idées, des nouvelles possibilités avec les améliorations techniques de l'animation en plus. Merci. Ça m'influence peut-être visuellement, mais pour la technique, je suis incapable d'utiliser correctement un ordinateur et ça va. Il faut vraiment pratiquer, sinon on oublie comment. Donc, j'ai préféré continuer de faire ce que je sais faire. Et maintenant, je suis obligé de collaborer avec quelqu'un pour le digital, parce qu'avant, on filmait toujours en 35, les mouvements de caméra étaient faits directement sur les fonds blanchés et tout ça. Maintenant, ça se fait après l'ordinateur. Et en même temps, je comprends qu'il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas avant, de mettre beaucoup de couches ou des choses comme ça. Donc, j'utilise un petit peu ça, mais vraiment, à votre âge, il faut faire absolument là-dedans. Et il y a tellement de possibilités pratiques. Je suis encore un peu biais. Au début, par exemple, au début qu'il y avait la 3D ou des choses comme ça, je trouvais que c'était extrêmement vilain, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais maintenant, on peut tout faire, des choses très vilaines comme avant, ou magnifiques aussi. Donc c'est plus un critère de dire que c'est vilain. Mais moi, le principal défaut que j'ai, c'est que je suis d'une autre génération. Il n'y a pas le plaisir quand même de la peinture, du côté un peu organique de la... Oui, il y a quand même encore une chose où je ne suis pas très content, c'est quand je fais une peinture, avant la reproduire en 35 mm, c'était plus ou moins la même chose. Tandis que maintenant, c'est extrêmement difficile. On peut faire mieux, on peut corriger, faire plus de contraste, on peut tout faire, mais très difficilement faire la même chose que la peinture. Parce que, le vert, il est bien, il est juste le vert, mais le rouge, ça ne va plus du tout. Encore le rouge, c'est un enfer. On demandera à Boris tout à l'heure comment lui travaille justement. Est-ce qu'il y a une autre question? En attendant que vous ayez une question, moi je vais savoir pourquoi il n'y a jamais eu de passage à l'abstrait complet chez toi. Tu n'as jamais fait de films qui sont complètement abstraits et qui tombent dans l'abstraction? Non, le plus abstrait, ça c'est la retouche. Mais et donc pourquoi? Tu n'as pas eu envie de demander comme, je sais pas, en faire du cinéma, c'est une 60, on va avec la reine, elle est là, des choses comme ça. Et, Ouais, par exemple, il y a un film de McLaren qui est un des plus beaux films, c'est Symphonie en plus, le gradier sur pellicule, c'est vrai, c'est abstrait, c'est magnifique, mais bon, c'est abstrait, mais c'est le mouvement, c'est quand même... Parce que là, abstrait, ça ne m'attire pas vraiment pour moi. L'image, c'est la représentation de quelque chose. Alors, l'abstrait, ça m'intéresse. Moi, je suis moins motivé. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas parler dans le micro. Tu vas juste, je vais mettre le micro comme ça, voilà, c'est juste qu'on enregistre. Donc, mais c'est pas là, regarde pas. Par rapport aux deux longs métrages en compétition, par rapport aux deux longs métrages en compétition qui utilisent aussi la rotoscopie, à savoir Le Monde Vincent et Tahiran Tabou, je me demandais si vous aviez eu la chance de les voir, et ces deux utilisations de la rotoscopie qui sont très différentes de votre travail, et qu'est-ce que vous avez pensé de ça, si vous avez vu? Donc voilà, est-ce que sur les deux longs métrages, Le Monde Vincent et Tahiran Tabou, qui sont deux longs métrages qui utilisent la rotoscopie, mais différemment, Que tu utilises, est-ce que tu as eu la possibilité de voir les deux films? Hier après-midi, oui. Oui, c'est. Là, on comprend pourquoi on utilise la rotoscopie, parce que bon, c'est quand même mieux d'avoir des dessins que vraiment des personnages. C'est moins créatif. Il est très beau. Il est très beau, quand même. Mais simplement, il n'y a pas d'invention dans l'image. C'est du début à la fin, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est le scénario, c'est l'idée. Et puis, c'est tout à fait justifié d'avoir cette technique. Qu'est-ce qu'il y a? Et le film sur Vincent Van Gogh? Ah, Vincent Van Gogh. Alors là, moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que je craignais que ce soit un massacre des peintures de Van Gogh. Et ce n'est pas le cas. Et je trouve que la direction artistique a été vraiment bien faite. Il y avait beaucoup d'artistes différents qui ont fait des peintures, et puis il y a une unité. J'ai trouvé que c'était très réussi. J'ai entendu beaucoup de critiques. La critique que j'aurais. Ce qui m'a un peu gêné, c'est là le rotoscope dans les Van Gogh. Parce que Van Gogh, c'est magnifique, mais c'est pas tellement réaliste. Il dessinait pas comme Hinge, par exemple, Van Gogh. Donc, quand il y a un mouvement parfait qui vient du rotoscope dans une peinture de Van Gogh, ça gêne un peu, mais les couleurs, la manière dont c'est fait, j'ai trouvé tellement réussi que ça m'a plu, malgré ça. Ce que je trouve bizarre, l'affiche qu'ils ont utilisée, quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit, oulala, ça va pas être terrible, parce qu'on voit, on reconnaît, je ne connais pas, mais on voit que c'est un acteur qu'ils ont peint comme Van Gogh. Je ne comprends pas. Dans le film, il n'y a pas cette image. C'est juste l'affiche. C'est juste pour ce qui. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça dans le film. C'est une image à la fin du film. J'ai bien regardé. J'ai pas reconnu un acteur comment on reconnaît un, peut-être pas sa bougère, mais comment, moi j'ai pas vu cette image dans le film, parce que l'acteur qu'on voit en noir et blanc, qui joue Van Gogh, on voit jamais trop longtemps, ça c'est assez bien. Je pense que c'est lui qu'ils ont fait pour l'affiche. Et tout à la fin, quand on voit Van Gogh en couleur, parce qu'on ne voit jamais vraiment en couleur, il n'y a pas, ou alors c'était, j'ai pas vu ce défaut-là d'avoir un acteur qui joue Van Gogh, puis on voit bien que c'est pas Van Gogh. Est-ce que pour, avant, pour reprendre sur la question, est-ce que donc toi, la rotoscopie, il faut qu'elle ait une utilité pour, par exemple, la possibilité de tourner dans les rues Téhéran, par exemple, et donc ça aide justement à voir ça, ou c'est comme si on regarde la base de l'orthoscopie, même les frères Fleischer, ils pouvaient très bien avoir l'orthoscopie et jouer avec, d'avoir un personnage et le transformer en mort, c'est d'avoir, et d'avoir donc cette... Maintenant, il y en a dans presque tous les films, l'orthoscopie, ça s'appelle plus comme ça, mais presque tous les mouvements sont générés par des mouvements réels, et après on les transforme au graphique, on fait autre chose, plus ou moins bien, mais pourquoi pas utiliser ça? Ce qui compte, c'est le résultat. Il ne faut pas avoir honte que c'était la rotoscopie et dire que c'est autre chose. On va bien comprendre tout de suite. En fait, quand on voit que c'est la rotoscopie, même si ce n'est pas du tout, mais quand c'est trop réaliste, c'est le même défaut. Par exemple, dans les films de Petrov qui n'utilisent pas la rotoscopie, des fois, je le crois tout à fait qu'ils n'utilisent pas ça, mais il est tellement habile que tout à coup, c'est un peu comme la rotoscopie. C'est dommage. Il faut qu'il y ait une altération du mouvement réaliste, et ça c'est important. Il ne faut pas que le mouvement soit trop réaliste. Pour toi en tout cas, hein, dans le cinéma que tu aimes, que tu fais, il faut qu'il y ait toujours ce jeu sur le mouvement. Bah, j'aime mieux, je ne vais pas jusqu'à l'image abstraite, mais disons, dans le dessin, ce qui est extrêmement réaliste, c'est en Chine, ils disent que tout doit être un peu imparfait. Quand c'est trop parfait, c'est un peu vulgaire. Il y a des références comme ça qui sont importantes, comme la Chine, comme des auteurs, des peintres. Est-ce que tu as des références qui sont absolument importantes? Énormément de peintres, oui. Plus des peintres que des cinéastes, d'ailleurs. Non, les cinéastes aussi. Ouais, il ne faut pas voir que des films d'animation. Il faut, faut lire, voir des films, des expositions. Tout peut enrichir pour faire un film d'animation. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va regarder les scènes de Bartosz. J'ai demandé à Boris de nous rejoindre. Comme ça, on va commencer un début de dialogue entre les deux, puis après, on reviendra sur eux. Donc, j'ai demandé qu'on éteigne la lumière. Merci beaucoup. Et je vais passer donc les extraits. Je ne sais pas si tu les as déjà vus, ces essais retrouvés de Bartosz après l'idée. Donc, si tu veux aussi jeter un coup d'œil. Voilà, donc, je veux bien qu'on l'éteigne. Et donc, ça dure 9 minutes. Donc, des essais de Bartosz. Je remercie l'AFCA, puisque c'est l'AFCA qui me permet de passer. C'est eux qui ont les droits. De cette séquence. Donc voilà, donc ce sera marqué au début, mais réfléchissez bien, donc Bartosz, c'est l'idée, ce film très important, et il va faire, il n'a jamais pu faire d'autres films, et il fait, donc on a retrouvé ces extraits-là il y a quelques années de Bartosz. C'est parti. Voilà, donc l'utilisation du bon titre, assez excellent, en tout cas, je trouve pas partout. On va rallumer les lumières, j'ai demandé à Georges de revenir et Boris de le rejoindre. Je sais, on va avoir un petit moment donné avec les deux. Merci beaucoup, Boris, d'être présent, de nous rejoindre. Puis, quand je t'ai dit, tiens, ça peut être pas mal de vous mettre les deux, Georges et toi, tu m'as dit, oui, en effet, même si votre cinéma est différent, il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses que tu as puisées, en tout cas en voyant ces films à un moment donné, est-ce qu'il y a des. Dans la démarche, on a juste effleuré hein, ce matin le travail de Georges, mais c'est des choses qui paraissent, voilà, des points de similitude. Ben, moi j'ai découvert le travail de Marge quand j'étais avec un en école, il y avait un DVD qui rassemblait tous les travaux, en tout cas tous les présents travaux en 2009, j'ai découvert tes films. Et moi j'étais hyper intéressé par aussi les idées de cycle en fait en animation, et donc ouais, j'ai quand même découvert tes films. tu es revenu à cette technique hors de l'école qui était comme. Dans les années 60, si on regardait les films quasiment image par image, enfin regarder voir comment c'est fait, ou c'est plus une ambiance, c'est plus celle qui a... Moi j'aime bien travailler sur la structure de mes films aussi, et en animation, en fait, dès qu'on apprend l'animation, moi je venais des Beaux-Arts, je ne me suis pas formé à faire l'animation avant de rentrer dans une école d'animation, et je me suis vite rendu compte que directement on apprend à faire des cycles, en fait, donc le cycle c'est juste la base, c'est ce qui fait l'animation, quoi. Donc c'est en commençant à travailler comme ça et en plus en ayant des idées de réalisation qui parlent de quelque chose de cyclique, en ayant une bonne conception du monde un peu comme ça, ben, j'en suis venu à connaître le travail de Georges Souzébel, les cinéastes expérimentaux, le film Tango aussi, là, juste pour au cas où certains, c'est vrai que j'aurais pu commencer comme ça, Boris Labbé, c'est. On va pas, c'est très court, donc on va laisser la lumière, mais juste pour vous dire, c'est les zones. Petite bande-annonce. Est-ce que l'approche un peu mathématique dont nous parlait tout à l'heure Georges, est-ce que cette approche mathématique de diviser l'image 3 secondes, 10, 12 secondes, d'avoir, il nous a pas tout dit, mais il y a des multiplications au niveau des divisions de l'image comme celle de Dabo, c'est quelque chose qui parle, toi tu travailles aussi. C'est assez étonnant parce que bon, je fais pareil, mais par contre je l'avais pas forcément vu dans tes films, quoi. Et c'est juste que quand on travaille sur les cycles, c'est comme en musique, on fait des canons. Il y a le film aussi de McLaren, le canon, qui est très intéressant pour ça. Moi, sur les hommes, en fait, le début du film, c'est des cycles de 6 images, c'est une demi-seconde. C'est pour ça que les choses se répètent beaucoup, elles sont des phasages, en fait, dans les dessins qui se répètent. Et ensuite, quand les choses se divisent, ça fait de 6 images à 12, à 24, à 48. Et donc, tout est synchronisable. C'était la manière pour moi de pouvoir... de pouvoir lier toutes ces animations ensemble. Je pense que pour des gens qui ne sont pas animateurs, moi je ne suis pas, il y a quelque chose qui est très étonnant de vous entendre parler, c'est qu'il y a un mélange, j'ai l'impression, de presque un côté scientifique, et pourtant vous faites deux cinémas aussi qui sont très, genre pas toujours le même terme, mais qui est organique, en tout cas on sent la peinture, on sent toi, des fois le papier libre, en tout cas on sent certaines choses. Les deux, ça veut dire que les deux sont évidemment mixables, je ne trouve pas le mot, mais les deux en tout cas sont. Peuvent être mis dans le même film. Ça vous paraît une évidence que moi je puisse trouver ça étonnant Moi je réfléchis comme ça, je ne fais pas exprès. Quoi. Je me sens plus à l'aise aussi en réfléchissant en animation sur les processus. Je ne suis pas un grand conteur d'histoires, même dans ma vie de tous les jours, je ne raconte pas des histoires. Mais par contre, j'aime bien réfléchir à des systèmes. Et moi, j'ai fait un bac S, donc j'étais aussi très intéressé par la biologie et par les sciences en général. Donc, ouais, j'ai l'impression de faire un travail de chercheur en animation, comme des gens m'ont enseigné les sciences expérimentales ont pu le faire avant. Georges, toi, c'est le mélange entre les deux. Moi, c'est peut-être un peu à cause de la musique, parce que dans la musique, il y a des rythmes, il y a des blanches, des noires, des croches. Donc, en animation, même si je n'utilise pas la musique, j'aime bien utiliser des rythmes qui correspondent. Parce que le rythme, c'est un peu comme la musique. Donc, c'est pour ça. Et puis, j'aime bien aussi la correspondance qu'il y a entre 24 images secondes et les tempos. Le plus simple, c'est que le tempo de 60 à la minute, ben, c'est 24 images. Bien 120, c'est 12 images, ou bien tout à l'heure c'est 8 images, c'est, je crois que c'est 160, ou 180 plutôt, et puis 9 images, c'est 160. Donc il y a plein de, il y a une quinzaine de correspondances, donc j'aime bien utiliser ça, même sans musique. Vous êtes tous les deux donc des gens qui travaillaient en fait le côté sonore presque de l'image, parce que ça c'est quelque chose qui. Moi, c'est hyper important, mais souvent je fais travailler le son après l'image ou en même temps. En ce moment, je suis en train de faire ça sur un nouveau film, mais j'ai rarement juste utilisé une seule fois ou deux une composition existante. J'aime bien faire travailler les gens et faire bosser un peu. En fait, j'ai eu la chance, comme tu sais, de faire une résidence en Espagne à la Casa de Velázquez, et là-bas, j'ai rencontré j'ai deux amis, très bons amis qui sont des compositeurs de musique contemporaine. Et qui sont très forts, qui sont sortis hyper calmes il y a quelques années, et qui font autant de la musique pour orchestre que de la musique électronique, et c'est vrai que ça marche assez bien avec ce que j'aime faire aussi. Quoi. Alors, moi, j'écoute pas de la musique électronique chez moi, j'écoute de tout, mais je trouve que pour mon travail, la musique contemporaine et le côté électronique fonctionnent très bien. Ouais. Est-ce que vous écoutez tous les deux? Toi, quand je suis passé à Cyclic, en fait, dans l'endroit où vous travaillez, en fait, il y avait de la soul musique, il y avait des choses complètement différentes, même que peut-être la musique, vous travaillez tous les deux en musique, est-ce que Georges travaille en musique, est-ce que c'est forcément une musique qui est proche du film que tu es en train de faire ou non, vous pouvez avoir des ambiances musicales, tu répondras après Boris, mais qui peuvent être complètement différents peut-être du film final. Non, moi j'ai bien travaillé en écoutant de la musique, c'est très critiquable parce que si on est vraiment mélomane, on peut pas, si on écoute de la musique, on fait pas autre chose. Mais moi j'aime être en bonne compagnie. Je suis en train de dessiner, puis j'entends Schubert, c'est pas la même chose que si j'entends une musique de variété, c'est une autre ambiance. Toi, Boris? Bah, comme tu as vu, moi j'écoute beaucoup la radio et j'écoute la musique toute la journée presque. Et vous avez une musique en fait assez différente? Bah, complètement. Finalement, ouais, c'est que tu vas avoir dans le film. Le temps de travail sur un film, c'est plusieurs mois et nous on est en train de faire le film image par image. Donc, ça prend un temps et on a juste une séparation entre ce que tu fais dans ton film et ce qui est le temps de ta vie en fait. Donc si on était en train d'écouter en boucle la musique que tu as vu qu'on va utiliser pour un film, le même compositeur, on deviendrait complètement fou. J'ai l'impression que vous travaillez de deux manières différentes. Enfin, en tout cas, sur toi, tu as presque deux cinémas. On le voit avec Roger Nizis qui est en compétition en film ici, où tu travailles tout seul. Et par contre, quand tu travailles sur Isomoula, sur le nouveau film, l'équipe est petite, mais tu as quand même 2-3 personnes avec qui tu travailles. Alors que toi, Georges, je pense que tu dois travailler absolument tout seul. Je sais pas, toi, tu as besoin quand même, à un moment donné, sur certains films, d'avoir l'appui, ou en tout cas le regard, je sais pas, de d'autres personnes qui travaillent avec toi. C'est juste techniquement, de toute façon, tu peux pas tout faire tout seul, sinon ça prend l'œil. Ouais, ben, par exemple, c'était difficile à faire. J'étais content d'être avec quelqu'un quoi, pour m'aider sur l'animation. Des fois, j'ai juste des projets, je pense, assez ambitieux avoir une aide technique sur quelque chose, c'est juste, ça fait du bien. Comment tu, parce que vous avez une manière de faire qui est tellement précise déjà dans votre tête, comment on arrive, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un, tu as travaillé avec OneFact, par exemple, en compétition ici pour les filles d'étudiants, tu regardes ce qu'ils font avant, tu dis bon, ça peut peut-être marcher, parce que OneFact a fait un cinéma qui est complètement différent du tien. Ben, en fait, souvent, j'envoie des mails, parce que ce sont des moyens d'être en stage. Donc, j'ai envoyé un mail à l'MK pour chercher un stagiaire. Quoi. Et j'ai eu plusieurs candidatures, quoi, pas beaucoup d'ailleurs, mais quelques-unes. Et Wayne, c'est celle qui avait un niveau d'animation le plus poussé. pousser, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quelqu'un qui l'animait bien, quoi. Et ensuite, elle, je crois qu'elle était intéressée par ce que je faisais, même si elle n'avait vraiment aucune idée de comment je faisais. Elle avait d'ailleurs un peu peur avant de venir, de ne pas y arriver. Et ça s'est super bien passé. Toi, Georges, tu n'as jamais eu l'envie à un moment donné, alors tu travailles beaucoup, je ne sais plus aujourd'hui, en tout cas à l'époque sur ces boulots, aussi, tu as eu l'envie de travailler avec d'autres personnes ou non, c'est un travail solitaire et, Non, pas tellement. Moi, j'aime bien travailler seul. Simplement, ce que je fais beaucoup plus qu'avant, c'est de montrer, surtout à quelqu'un qui ne connaît pas ce que je vais faire, pour avoir sa réaction. Surtout si j'ai l'intention de faire un film narratif, et puis qu'on comprend tout à fait autre chose. Donc, ce que je ne faisais pas ça avant, mais maintenant, je le fais beaucoup. Donc, les line tests, je montre les line tests. Ce qui s'est passé pour Harkonnen, ce qui s'est passé pour Harkonnen le dernier, où finalement, on t'a dit que c'était bien de mettre le résumé de l'histoire avant, parce que tu avais des gens qui disaient des choses complètement différentes. Oui, on m'a dit que les gens qui n'étaient pas de langue allemande, qui connaissent, eux, ils connaissent tous, ils entendent la musique, ils peuvent réciter les paroles. Donc, mais mon collègue, j'ai oublié, me disait, mais moi, je ne connais pas. On n'a jamais, seulement avec la musique, on ne va pas comprendre l'histoire. Alors là, j'ai beaucoup, une fois, j'avais des étudiants de Taïwan qui venaient visiter l'atelier, il y avait une vingtaine d'étudiants. Alors après, avec l'aide de ma femme, on leur a montré le line test, puis après chacun devait me raconter en gros qu'est-ce qu'il avait vu. Alors il y a eu plein d'histoires très différentes, c'était drôle. Mais après j'ai pu corriger en conséquence, c'était utile. Toi, il y a eu ça sur Rizzo à un moment donné, ou non, ça paraissait évident que les gens allaient comprendre en tout cas ce qu'il y a. Bah, sur Rizzo, j'ai rien montré, enfin, j'avais pas d'animatique. mais j'avais fait quand même une sorte de storyboard. Et, non, en fait, Rizzo, pour moi, c'est étonnant, mais ça couvert de source. J'avais les idées claires et j'ai proposé mon projet à Ron, le producteur Sacre Bleu. Et ça, tout de suite, il était d'accord pour le faire. Quoi. Si genre, tu vas partir en donné, sinon tu me dis. Ça va pour l'instant. Bon, d'accord, parce que j'aimerais avancer un tout petit peu et il y aura des ponts entre vous deux. Juste pour le début, toi, Maurice, c'est. En effet, tu fais pas du tout d'animation à la base. Pourquoi tu te lances dans l'animation? Pourquoi la MK d'un seul coup et pourquoi cette envie? Parce que c'est pas, je pense, simplement, pour ceux qui le font, mais l'idée de dire, ah, j'aimerais bien que mes dessins bougent, on va dire, mais qu'il y a quelque chose de plus viscéral derrière. J'ai senti, quand j'étais au Beaux-Arts, je me suis senti assez limité, je faisais un travail sur ton dessin. Et j'étais un peu frustré en fin des Beaux-Arts, à la fois par mes propres limites en dessin et même l'enseignement au Beaux-Arts. À un moment donné, j'étais un petit peu saturé, un petit peu très, très conceptuel, mais finalement, on m'a servi plus tard. Et j'avais juste envie, j'étais assez passionné par la vidéo, et j'avais juste envie de faire un travail. Je suis entré à l'écart en me disant que je voulais faire un projet de tartiste vidéo en animation, parce qu'en plus, j'avais tout. C'est pas vraiment le cas qu'il y a qui fasse ça, moi je connaissais rien. L'AMK, c'était l'école la plus évidente pour toi pour rentrer à l'époque, pour faire ce genre de choses? Ouais, c'est la seule que j'ai tentée, comme d'animation. Sinon, j'avais tenté les Beaux-Arts à Angoulême aussi, et à Poitiers, peut-être ça aurait pu être ça. Mais comme je suis rentré à l'AMK, ouais, j'ai choisi l'AMK, ça m'intéressait aussi d'avoir une formation politique sur quelque chose, qui aux Beaux-Arts me faisait défaut aussi. Excuse-moi, pardon, vas-y. Non, c'était juste en fait. Ça fait partie des premiers travaux de l'AMK. Travail de fin de deuxième année. C'est bien accueilli, l'AMK. Ouais, ben, on avait la chance. Moi, le directeur artistique, enfin, directeur pédagogique de l'AMK, c'est Christian Arnaud qui était un grand défenseur de contemporain. Et ça, c'est juste un tableau animé, il n'y a pas d'histoire. C'est très, très dérivé du film Tango. Oui, voilà, là on sent l'influence. Là, ça court un peu trop, mais ensuite, je me suis détaché. Trop, je sais pas, c'est une meilleure influence quand même, Tango. D'autoporter dans une peinture. C'est le mix entre l'envie de travailler sur la peinture, sur des grands maîtres aussi, et peinture, et les mixer à l'art vidéo, justement. Parce que l'art vidéo, quand toi t'arrives, c'est presque pas fini, mais en tout cas, voilà, il y a eu cette grande époque dans les années 80, Viola évidemment, enfin, même s'il continue à travailler avec Michael Soul, etc. Et toi, il y a vraiment cette envie de renouer avec ça? Ouais, moi j'ai passé par Viola, justement, lui, il travaille donc sur Sam Aperture et d'autres choses, et là, je suis mystique aussi, et j'ai l'impression que je me retrouve aussi dans son travail encore maintenant, sur ce que je fais, même si maintenant je dirige plus sur le cinéma que la vidéo, que ça dépend, en Genesis, on ne sait pas vraiment où c'est entre les deux, quoi. Mais ouais, mon envie à la base, c'était plutôt de faire des installations. Le truc, c'est que faire des installations en animation, c'est très compliqué, parce que l'animation, ça prend beaucoup de temps, et on n'a pas de financement pour faire des installations, en fait, c'est très difficile de trouver quelque chose. Mais quand j'étais à Madrid, j'ai eu la chance d'avoir un an de résidence, comme tu sais, et j'ai fait un boulot qui s'appelle Pense Maca en installation vidéo. Donc moi, en fait, maintenant, dès que j'aurai des possibilités de faire des choses d'installation ou dans des formats un peu différents, financièrement, je le ferai. Et de temps en temps, je profite d'animation à court-métrage parce qu'il y a des films pour faire. Comme si, je me débrouille. Alors, justement, hop, on va juste regarder un tout petit peu. Ça, c'est Danse Macabre. Justement, c'est pas l'installation, hein, c'est la partie. Hein. C'est la partie où on a filmé. Mais... Est-ce qu'il y a plus de... C'est deux mondes quand même qui des fois se regardent avec un regard un peu méfiant, le monde des galeries, de l'art, on va dire, et le monde de l'animation. C'est par exemple dans beaucoup d'universités de Beaux-Arts, dès que les gens veulent faire de l'animation, on leur dit non, ça va pas, c'est pas suffisamment sérieux. Et puis, des fois, l'art, on va avoir les installations tout dans le monde de l'animation, genre, c'est un petit peu chiant, intellectuel, voilà, c'est chiant, etc. Comment toi t'arrives à... est-ce que tu distancies bien les deux d'un seul coup? Tu as des gens que tu connais dans le monde de l'art contemporain et d'autres dans l'animation, ou non? Ouais, c'est un peu ça. C'est des mondes séparés, mais je comprends pas. On vit sur la même planète. Donc, moi, je comprends pas ça. C'est juste que moi, j'essaye de faire mon travail parce que c'est comme ça que je réfléchis. Et j'aimerais bien que le monde soit plus idéal et que les choses soient moins catégorisées. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est pour défendre une sorte de non-catégorisation. Je pense que McLaren, s'il avait vécu justement en époque de l'art vidéo, il aurait fait de l'art vidéo, il aurait fait des installations. C'est juste que on est dans une époque maintenant où tous les médias se mélangent et pourquoi pas, quoi. Alors ça, c'est de manière réfléchir, enfin voilà, c'est ce que tu as envie. Niveau concret, tout bêtement concret, en fait, arrive à avoir, je sais pas, Sacre Bleu d'un côté qui dit ok, moi ce qui m'intéresse c'est le côté animation, et d'autres, tu sais que tu travailles pour des galeries, on pouvait pour Genesis acheter aussi C'est compliqué, moi je travaille, j'ai pas de galeriste, donc pour l'instant je suis pas du tout dans le milieu de l'art, on va dire commercial, je fais pas de foire à court, d'emploi, rien. Ça m'arrive d'exposer mes films, mes dessins, mais. En fait, il y a vraiment plusieurs mondes, même dans le niveau de l'art contemporain, il y a le monde des galeries, et ensuite il y a le monde des institutions. Puis exposer dans un musée, pour moi, c'est presque plus facile qu'exposer dans une galerie, parce que la galerie, elle vend. Et l'art vidéo, ça vend très mal. et donc, c'est, en plus, si l'animation, c'est pas intéressant. Donc, c'est difficile. Mais en réalité, moi, j'aimerais bien avoir un galeriste qui a pu mon travail et qui m'a pu me faire produire des œuvres en vidéo et les exposer. Mais c'est pas facile. Toi, Georges, tu fais pas, mais tu fais des expositions de temps à autre des cellules originaux pour les vendre, qui peuvent pas. Ouais, j'ai une galerie qui expose mes cellules quand j'ai fini un film. Mais c'est vrai qu'il y a une différence qui est en train de disparaître un peu entre l'art contemporain et le film d'animation. Parce que je me rappelle à Turin, il y avait eu un débat là-dessus. Pourquoi il y a ce barrage, les animateurs, on peut avoir le complexe du potier, ça s'appelle. Hein. On est un artisan, pas un artiste. Et c'est en train de se mélanger quand même, par exemple, pour les films chinois, c'est surtout venu de l'art contemporain, plus que les écoles d'animation, les films qu'on a vus dans les festivals comme Annecy ou ailleurs. Et puis, il y a aussi une chose qui rapproche peut-être l'animation de l'art contemporain, c'est que c'est plus facile d'obtenir de l'argent quand on fait du cinéma que quand on essaye de vivre de son art comme artiste contemporain dans des galeries et vendre ses tableaux. J'ai peut-être aussi ça rapproche. J'allais vous en parler tous les deux, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une exposition donc, Chine en Rome, c'est un truc que je vous conseille hein, d'aller voir. Et en effet, ce qui est surprenant, c'est de voir tous ces artistes qui viennent plutôt, alors, encore une fois, de la contemporain, je ne sais pas comment ça, en tout cas de ce monde artistique, et qui viennent dans l'animation et qui finalement bousculent énormément justement le monde de l'animation en jouant sur un mouvement complètement différent. Alors, des gens comme Sun Tzu, évidemment, Ding Chiwei, enfin, tous ces gens-là, et qui d'un seul coup, j'ai l'impression, redonnent une. Peut-être comme toi, Boris, tu peux avoir, mais un nouveau souffle. Est-ce que ça, tu regardes aussi ce qui se passe J'ai vu la l'expo est super. Ouais, j'étais d'ailleurs étonné, c'est la première fois que je vois vu les interactions entières ici, mais c'est bien que ça commence à se voir ça dans les grands festivals. Ça, c'est le problème de. Alors, qui est très financier, hein, les installations, c'est souvent comme ça. Prend la place. C'est ça, prend la place, ça coûte un peu. Un peu cher aussi, quoi. Voilà, ça fait partie évidemment des choses. Toi, tu ressens ça sur ce qui se passe en Chine, c'est un nouveau, je sais pas, en tout cas, c'est un nouveau courant, une nouvelle vague, quelque chose de, qui amène autre chose à l'animation, pas forcément ce qu'on a pu voir d'ailleurs en compétition. Il y a eu Valley of the Wild Birds là, qui est passé, la vallée des oiseaux blancs, qui était dans la compétition 4, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu, ouais, c'est voilà, de 10 minutes, mais alors, il y a des films comme ça, mais sinon, il y a d'autres films autre chose, est-ce que tu ressens ça ou pas de nouveauté dans le monde de l'animation? Oui, simplement j'étais étonné qu'on voit si pendant pas mal d'années qu'on voit si peu de films chinois alors qu'il y a énormément d'étudiants et puis que le dessin en Chine c'est quelque chose qui est très valorisé. Les parents poussent leur enfant à faire du dessin plutôt que faire avocat ou médecin comme ici. Donc ça m'étonnait qu'il y ait si peu de films. Et, mais parce que dans ces écoles, peut-être ils essayaient une voie plutôt commerciale. Donc, tout à coup, c'est venu de l'art contemporain. Et puis, ça a enrichi tout le monde. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est inattendu comme approche. Boris, est-ce qu'on peut dire qu'il y a tous les travaux que tu fais, et puis il y a évidemment, je suis désolé, hein, c'est pas très bien de vrai, j'ai passé un petit peu, et il y a ce film qui change un peu tout, en tout cas, tu as un prix, c'est le grand prix ou c'est le prix spécial? Spécial. Prix spécial jury ici. Est-ce que Kyriel, alors, on va pas garder longtemps parce que là, il est vraiment écrasé hein, par vidéo proche, donc voilà, mais est-ce que ça, c'est un film qui change beaucoup de choses pour toi en tout cas? Bah, c'est étonnant, c'est un film que j'ai fait avec peu d'ambition et qui m'a donné plus de choses que la plupart des autres films que j'ai fait. Parce que c'est un film qui m'a permis d'entrer à la Casa de la Seda de Madrid, c'est un film qui m'a. Va donner un prix à Annecy, qui m'a donné envie de faire l'isole ensuite, et là je suis un suivant. On peut parler un tout petit peu de Kyriel, parce qu'il y a, oui, voilà, c'est ça, il y a une économie de moyens, et qui est intéressant, parce qu'on va peut-être retrouver ça un petit peu dans Orogenesis, dans notre film. Donc est-ce que tu veux juste parler un tout petit peu de Kyriel, que je vais laisser. Kyriel, c'était très simple pour moi, j'ai fait une image storyboard, qui était une sorte de paysage avec des textures, j'avais juste mélangé des tableaux de Bruegel, en fait, avec des transparences. Une grosse texture symétrique et ensuite c'était juste l'idée du jeu des jeux d'enfants un peu inspiré aussi sur la peinture des jeux d'enfants de Bruegel et c'est des improvisations en fait en aquarelle animée et il y a aussi beaucoup de différentes en fait qui font chacune 6 secondes et ça a été fait en un mois d'animation et une semaine de son. Et donc ça va à ce moment-là où il y a Sacrebleu, où il y a des producteurs, il n'y a peut-être pas que lui d'ailleurs, qui vient te voir en disant si jamais tu as un projet, comment ça se passe? C'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Ron à Annecy quand le film il était projeté. Et donc ça, il m'a proposé, il m'a dit, je suis intéressé aussi par un projet plus tard. Ron, il s'est repéré. Voilà, les personnes comme ça, ça Sacrebleu, c'est des Guillaume, c'est bien sûr. Il y a un truc très, très étendu comme ça. Hein, de... Il sait prendre des risques, c'est vrai que c'est pas facile de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce bien. Quand tu vas loin avec Rizzo, il y a quoi dans le dossier? Il y a. C'est plutôt technique, c'est plutôt dans ce que tu dis, j'ai envie de travailler là-dessus ou c'est plutôt théorique C'est assez écrit en fait. Maintenant, quand je fais des projets pour le cinéma, pour les financements, j'ai aussi un synopsis, j'ai aussi une sorte d'histoire, en tout cas une sorte de développé politique, si on peut dire. Parce que c'est pas des scènes, c'est un machin, je ne sais pas faire ces scénarios-là, mais je fais un petit scénario, quoi. Et j'explique la technique, comment j'ai travaillé. D'ailleurs, j'ai pas forcément tout clair au niveau de la technique, je savais pas exactement comment j'avais lié les animations entre elles, j'avais juste un peu théorisé dessus, mais j'avais expliqué comment diviser les animations, travailler en canon et tout ça, ça c'est déjà prévu. T'as un cinéma qui mélange les deux, qui mélange ce côté on en revient théorie, où en effet tu peux expliquer, t'as des dialogues qui expliquent vraiment très très bien tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a derrière, quel est le réseau, etc. Et à la fin, d'un côté, je ne sais pas comment on peut prendre ça, mais un côté un peu ludique aussi, tu mélanges là. J'ai l'impression qu'il y a un mélange des deux. Ah, j'aime bien m'amuser. Ouais, en fait, moi je suis un peu rigide quand hein, je sais très bien, mon cinéma est un peu rigide. Je mets beaucoup de normes et beaucoup de règles. Plus il y a de règles, et mieux je me porte en fait, parce que sinon je pars vraiment dans tous les sens. Mais après, quand je fais un truc comme Kiriel, Horizon, ou le film que je suis en train de faire en ce moment, Cyclique, j'ai toujours j'improvise beaucoup en fait. Et là, toutes ces animations-là, c'est vraiment pas du tout préparé en fait. J'ai un personnage, j'ai une feuille blanche, je crois qu'il fasse des choses. Et donc, je trouve des choses à lui faire faire. Quoi. C'est là où finalement il y a une grande différence entre vous deux. Oui. Toi, finalement, tu n'improvises pas tellement, Georges. Non, mais moi, j'aime bien me fixer les règles. Ça, c'est la première chose. Ça, sauf que une fois les règles, toi, tu les tiens, tu les maintiens, ces règles. Pas toujours, des fois. Mais j'essaie, oui, de m'y tenir. Non, mais et toi, alors, donc, c'est. Non, parce que c'est intéressant, on a tellement l'impression qu'il y a des bases qui sont très proches dans votre cinéma et de voir aussi, bah, aussi les petites différences qui font qu'il y a un cinéma, évidemment, complètement différent. Parce que toi, je suis en train de réfléchir, je me dis, est-ce que je dis pas une bêtise, je ne me rappelle pas de film vraiment narratif où tu, en tout cas, tu essayes. C'est narratif, pardon, en tout cas, être plus dans l'abstraction. Je ne sais pas faire, en fait. j'ai essayé à l'ECA, j'ai essayé même. Non, en fait, c'est juste pas mon. Je suis pas un bon conteur d'histoire, je le sais. Et peut-être que plus tard, ça viendra aussi, hein, avec des années, je sais pas, mais en tout cas. Tu sais pas faire, mais quand on regarde, et encore une fois, le cinéma de. Bon, là, nous aussi, il y a un cinéma qui se découpe, j'espère que vous l'avez vu, donc c'est vrai que c'est toujours un peu terrible de faire ce que je fais, parce que il y a un peu à la manière de musical auditif ou Steve Reich, hein, c'est pas juste écouter juste un morceau à un moment donné, mais c'est évidemment tout le développement, mais il y a une narration quand même quelque part dans les autres. Bien sûr, ouais, comme je disais, c'est écrit quand même, mais c'est vraiment un début, et puis il y a même des idées, dans chaque moment d'animation, il y a des idées de narrative en fait pour moi. Donc, moi j'aime bien raconter des choses avec. Et je ne me considère pas comme un cinéaste abstrait non plus, parce qu'en plus je représente des choses. J'ai aussi la peur de l'abstraction pure. J'aime bien représenter des choses quand même. Mais. Après, j'utilise les éléments. Bah, j'aime beaucoup utiliser l'encre parce que c'est quelque chose de très, très vivant. En plus, je travaille avec de l'eau. L'eau c'est vivant aussi. Donc, je travaille avec des petits organismes. Et tout ça, ça a un sens pour moi. Il ne faut surtout pas. Ce côté catégorisé, quand tu disais, c'est quelque chose qui te fait peur en disant d'un seul coup, non, je fais à la fois la narration, ça n'est pas complètement, je travaille sur le côté un peu organique, et puis à la fois, c'est pas complètement abstrait non plus, enfin, jouer là-dessus, il y a toujours. Ou alors, est-ce que c'est juste naturel, et en fait, c'est pas forcément une question que tu te poses en faisant un film, il y a quelque chose aussi qui vient de l'instinct. Moi, je me pose pas la question. En fait, c'est vrai que j'ai des histoires dans ma tête, et ça se voit dans mes films, je pense qu'il y a toujours. Truc à raconter. Et c'est juste que ma manière de faire, je pense que ma manière de penser et de faire les choses découle sur ce genre de film. Mais c'est vrai qu'on pourrait, avec le même scénario de là, on pourrait faire avec un autre réalisateur un autre film plus narratif, plus complètement différent. Et c'est juste que chaque cinéaste a son, je pense, sa manière de travailler. Et ouais, je cherche comme ça. Quoi. Georges, il y a un peu la même chose. Non, parce que je voulais dire, c'est. Disons, le résultat est magnifique, mais j'aimerais bien voir le storyboard, ça doit être difficile d'expliquer ce qu'on va faire, ça doit être surtout du texte, pour ouais, il y a quelques grandes images, mais on ne peut pas faire un storyboard classique pour un pour être. Bah non, c'est juste des images une par une avec les trois. Sur le début du film avec la sortie de certaines cellules, il y a des développements avec les trois chemins. Sur les hommes, l'idée c'est d'avoir une sorte de chemin végétal, organique et minéral qui finalement se mélange. Et donc j'avais des images qui ressemblent à peu près à ça. Mais même par exemple, ce moment-là, on a une sorte de vague qui arrive, c'était dans mon storyboard. Il y a quand même un moment donné où il y a une sorte de saturation d'un côté et un vide de l'autre. Et j'avais cette idée de jouer entre la saturation et le vide, ça crée une sorte de peur en fait. Et on ne sait pas pourquoi ça se voit un petit peu, c'est un moment tendu. Est-ce qu'il y a une inquiétude pour reparler très brièvement de financement, parce que je sais, c'est quand même aussi des fois des réflexions qu'on a quand on fait du court-métrage. Toi, Georges, tu me disais, mais moi j'ai plutôt de la chance, enfin voilà, ce matin, on me donne suffisamment en tout cas pour faire chaque fois mes films, c'est-à-dire que tu as moins besoin d'expliquer ton film à chaque fois. Il y a un côté, bon, c'est le nouveau film de Georges Schultebol, ça va, on va lui donner suffisamment. Ou maintenant, il y a de plus en plus de réalisateurs suisses aussi qui arrivent et il y a un petit peu une obligation d'expliquer plus. Non, à chaque projet, ça recommande, donc on doit être accepté, c'est normal, c'est la règle. Et puis il y a de nouvelles personnes qui jugent, qui ne connaissent pas forcément le travail, donc on ne peut pas dire que c'est gagné d'avance, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de films comme moi, que quelqu'un qui débute, d'expliquer ce qu'on fait. D'ailleurs, dans les dossiers, ils demandent aussi toujours un lien ou un DVD d'un film précédent pour justement les gens qui ne connaissent pas le travail. Toi, quand il y a une inquiétude, c'est que là tu travailles avec un producteur, et on en parlait tout à l'heure d'autoproduction et de choses comme ça, mais là déjà avec un producteur, est-ce que des fois il y a ton producteur, là c'est vrai, ça pourrait être un autre, mais voilà, pour l'instant celui-là, qui dit ok, là on comprend pas la CNC, on n'y arrivera jamais, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de vraiment très pédagogique pour leur comprendre, ou pour les faire comprendre, ou... De temps en temps, le producteur il voit mon dossier, il dit ouais, là, il faut que tu sois un peu plus cool, quoi. Parce qu'en plus, moi j'écris, mais en plus, j'ai des scénarios, des idées de narration, mais j'explique aussi mon concept, j'aime bien expliquer le fonctionnement et la logique de mon film. Et parfois, c'est un peu, je vais pas dire que c'est un télo, mais c'est un peu rigide pour des gens qui ont plutôt l'habitude de lire des dossiers qui sont plus faciles, peut-être. Une vingtaine de dossiers, juste ajouter pour le financement, moi j'ai aussi la chance d'être producteur de mes films, parce que au début, il y a 40 ans en arrière, en Suisse, même les longs métrages, les réalisateurs étaient leurs propres producteurs, puis maintenant ça s'est développé, on peut plus faire un long métrage en étant réalisateur producteur. Même pour les courts-métrages, quelqu'un qui débute, c'est énormément compliqué. Mais comment je fais ça depuis longtemps? J'ai évolué avec ces complications. Et sous la pression des producteurs, qu'on peut mettre entre guillemets, parce qu'ils vivent de subventions comme nous, mais ils prennent pas toujours plus important de ces subventions. Donc, comme je suis producteur, ça ne me dérange pas que les producteurs prennent plus que le directeur, puisque moi j'ai... T'as les deux, tu prends à la fois la part du producteur et du réalisateur. C'est une idée, ça, Maurice, ou tu ne vas vraiment pas... C'est malin, mais c'est beaucoup plus loin d'être réalisateur producteur. Je pense que ça va être beaucoup de travail. Au studio GDS, vous avez quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est plutôt administratif, ou c'est vous trois qui vous occupez de ça? Mais le côté administratif pour un court-métrage, c'est peut-être un mois sur les deux ans que va me prendre le film, donc c'est pas grave. Il y a l'envoi en festival quand même, ce genre de choses. Oui, non, ça prend du temps. D'ailleurs, ça, on peut demander. Moi, je l'ai fait moi-même aussi, mais il y a maintenant pas mal de gens qui font ce travail. Quand j'ai eu la chance d'être coproduit par l'ONF, c'est eux qui faisaient ça, qui font très bien, ils ont beaucoup de films, ils ont des réseaux. C'est vrai, ça prend du temps. Mais j'ai du temps, donc je fais ce travail aussi. Boris, il y a un travail là. Beaucoup des travaux et résultats sur papier. C'est important de travailler. Beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en fait, beaucoup de gens, et je ne dirai pas son nom, mais. Non, pas là. Là, le membre du jury est ici, là, à Annecy, quand on parlait des autres, disait ah oui, le film en image de synthèse, voilà, en 3D. Et non, c'est du papier, c'est un travail, etc. Ça arrive souvent comme ça d'avoir. Il y a souvent une question technique, les gens viennent me dire comment t'as fait ça, c'est quoi ce truc. Moi je m'en fous un peu en fait, enfin, moi je suis arrivé à l'ENCA, justement je n'ai pas commencé, c'était direct, on a donné des choses sur l'ordinateur, je suis la génération qui a commencé à apprendre le cinéma sur l'ordinateur. Quoi. Donc pour moi, faire des choses, ouais, tu peux mettre des images. On met quelques images, on voit. Alors, c'est un petit reportage que je vous conseille. Il y a quelques petites choses. Hop, voilà. Et où on te voit travailler, c'est vraiment très. C'est très minutieux, en fait, c'est très long. Et, c'était 2500 dessins, il y avait très grands formats. Ça m'a pris un peu plus de 8 mois d'animation. Hein. Et après, ça ressemble à la 3D, mais parce qu'en fait, je tombe un peu. Moi, j'aime bien tomber. En tout cas, j'aime bien travailler les images. Et donc, déjà, l'encre, si on la met en négatif, ça fait un truc très lumineux, très électrique. Et du coup, là, on sait plus déjà ce que c'est. Juste en mettant un effet négatif sur des encres de chine. Quoi. Minutieux comme ça. Là, j'ai posé la question qui est vraiment pour la personne qui lui ne fait pas du tout d'animation. 8 heures par jour, je disais dans le tableau, c'était 8 heures, voire à mon avis, un peu plus. par jour. Avec les géocycliques, hein, disait que tu travaillais, il était obligé de t'envoyer presque. Ouais. Je veux dire, dans la tarée maintenant, travailler, sinon c'était. C'était pas généreux. Voilà, c'est pas possible. C'est, ce que tu es minutieux, c'est. Je trouve qu'il est vraiment, enfin, c'est important pour le travail, c'est important pour ce que tu as envie de dire. Bah, ça, c'est juste ma manière de vivre l'art, je crois. C'est mon côté arbreux, peut-être. Le côté répétitif. En fait, j'aime bien, à la fois j'aime bien et à la fois j'en souffre. Mais j'aime bien me mettre dans des histoires ou dans des processus un peu difficiles et ou en tout cas un petit peu obsessionnels. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut. Quoi. C'est comme une sorte de drogue. Il faut forcément faire plein. Que ça soit foisonnant. Quoi. J'aime bien ça. Quoi. Mais ça, c'est, je sais pas, c'est mon rapport à l'art quoi, en général. Georges, toi, tu as ce rapport-là aussi ou pas? Pas forcément. J'ai pas bien. Le rapport, enfin, l'idée d'en faire beaucoup, d'être foisonnant, d'être. Voilà, de devoir comme une drogue, en fait, faire des choses très minutieuses et d'accumuler presque, en fait, voilà, cette espèce d'accumulation comme ça de dessins, ou au contraire, il y a une. Mais ça dépend un peu du film. Disons, le plus important, c'est d'avoir envie. Et puis, une fois qu'on est au début, c'est un peu difficile, mais après il y a une logique qui s'installe et puis on est pris là-dedans. Et c'est vrai, c'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir. Quoi. Moi, j'adore faire ça. J'ai juste l'impression, moi, en vous interrogeant tous les deux, qu'il y a, je peux avoir plein de questions comme ça, mais il y a aussi presque une simplicité dans la, entre guillemets, hein, dans votre création, là où on a parlé d'éducation ou quoi, et qu'il y a un côté un petit peu, on fait ça comme ça, et puis. On peut en parler, mais c'est une évidence totale que vous travaillez comme ça, qu'il y a certes, la réflexion, elle vient, elle est là, mais elle est peut-être un peu derrière, et que le fait de faire est presque le plus important. Boris Ouais, bah, moi, je suis beaucoup moins faire, et même quand je commence un film comme Rogenesis, ça m'arrive en fait, entre deux films, de faire des essais sur des idées qui tombent à l'eau, en fait. Ça marche pas, parce que je suis pas content. Donc c'est juste le faire qui est souvent qui va me donner l'idée d'un film. Commencer à faire. Avant, moi, souvent, je travaille comme ça, j'ai une première idée qui est souvent très basique. Je fais des tests techniques et à partir de là, j'ai une deuxième idée, et puis elle peut encore évoluer comme ça. Il y a plus de tests, et je demanderais si, genre, je fais beaucoup de croquis, il y a plus de tests techniques en animation que de croquis. Ou est-ce que, comment ça se passe, les bases d'un film chez Boris? Bah, les deux, en disant que c'est plus du dessin, du coup, ça vient plutôt du dessin, du croquis, ouais. Et puis après, des idées, quoi, je cherche quelque chose à faire. Quelque chose sur l'idée du labyrinthe et du labyrinthe en métamorphose. Et après, Orogenesis, c'est complètement différent. Je voulais faire un truc je voulais travailler sur le paysage, mais en même temps, je ne savais pas exactement quel type d'image utiliser. Donc ça dépend vraiment là, du projet. Toi, Georges, il y a beaucoup de croquis avant un film, il y a beaucoup de recherches comme ça, où l'animation est obligée de venir assez rapidement, en fait, plus que les. Non, il y a beaucoup de recherches, quand même, de croquis. Et puis, c'est vrai que dans le travail, ces milliers de dessins qu'on va faire, il y a quand même des périodes un peu laborieuses, où un travail répétitif, pas très stimulant, mais c'est aussi bien de pouvoir balancer des moments où on cherche des idées, d'autres moments plus calmes. On travaille peut-être de manière répétitive, mais c'est aussi un peu dur, on sait qu'on avance. C'est un peu facile, en fait. Des fois, on a juste, quand on a, sur Bison par exemple, il y a un moment donné, j'avais juste mon processus déjà bien régulé, il fallait juste avancer. Et c'est comme faire une marche en fait, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Et ça j'aime bien ce genre de processus où il faut juste arriver au bon moment, c'est comme quand on fait un dessin, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. Mais j'aime bien ça, le fait de devoir continuer quoi, les choses. Le côté, je parlais de Steve Reich tout à l'heure, et le côté répétitif des images que vous avez aussi tous les deux, c'est. quelque chose que, qui est étonnant parce que, comme tu dis, finalement, on ne travaille pas forcément beaucoup sur storyboard ou sur animatique. C'est comment on travaille ce rythme et se dire, ok, là je passe au cycle d'après. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est 3 secondes, 6 secondes, c'est vraiment que mathématique ou c'est aussi, encore une fois, un ressenti personnel. C'est du feeling, quoi. Il y a un côté un peu composition, musique. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire dans un scénario. Quoi. C'est comme mes amis qui font la composition. C'est étonnant parce qu'en musique, on ne demande pas d'écrire une histoire. Pourtant, ça peut raconter beaucoup de choses. Donc, c'est juste une question de temps et de structure. Et de, c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle beaucoup de nombre d'images. Parce qu'en fait, le rythme en animation, c'est quand même la base. En fait. Donc, le nombre d'images, ça crée un rythme. Et, Si je dis ça, c'est que j'ai l'impression que vous êtes terrible pour des profs et de dire d'un seul coup à des élèves et de dire ben voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu travailles et qu'en fait, je ne sais pas s'il y a besoin forcément d'apprendre, je ne dis pas l'animation, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas un chemin qui va être simple. On a tendance trop facilement à dire évidemment, il faut que tu fasses absolument ton storyboard, tu dois avoir une histoire, tu dois avoir des choses comme ça et que finalement, vous faites un cinéma qui mélange tellement de choses que c'est pas évident. De découvrir, je sais pas, une substance où on pourrait plus facilement la prendre et dire ben voilà, c'est comme ça que ça se travaille. Georges, est-ce que je veux dire un peu avec ça ou, c'est l'idée de chemin, qui est un chemin évident, souvent qu'on peut avoir en effet d'un scénario, d'une animatique. Et là, depuis quoi, une heure, on discute et j'essaie de trouver des portes d'entrée plus faciles. J'ai l'impression qu'il y en a tellement de portes d'entrée ou alors qu'il y en a une qui mène à plein de chemins et finalement, voilà, c'est pas facile. Non, mais ce que je disais tout à l'heure au début, c'est intéressant, mais parce qu'on doit trouver des solutions. Des fois, on peut être sur une impasse, et puis en se réveillant le lendemain matin, dire, ben, je vais faire comme ça, puis ça redémarre. Ensuite, plus le film avance, plus il se précise, et il y a une logique qui s'installe, donc ça devient plus facile. Par contre, des fois, un peu ennuyeux quand on sait qu'on a des milliers de dessins à faire, mais il a donné un très bon exemple d'une marche, quoi. On sait qu'on avance, donc ça repose l'esprit, puisqu'on n'a pas tout le temps cherché des idées. Voilà, mais... La marche, c'était le film sur le morceau que tu avais fait, c'est ça. Ouais. C'était d'essayer toujours marcher, d'être en avant. C'était, quand je dis ça aussi, c'est que Benoît Chu disait, à un moment donné, lui est prof, dans les écoles d'intérêt médicaux, et c'est vrai qu'il disait, je donne des conseils à mes élèves pour faire certaines choses, et dans les films, j'essaie de faire l'inverse, finalement. Et donc de la complexité finalement d'apprendre presque l'animation, je trouve aujourd'hui, je sais pas toi Boris, par rapport à l'AMK, cette liberté, parce qu'il y a toujours une liberté à l'AMK, a été importante pour toi finalement, qu'on t'ait donné des bases, mais que tu n'aies plus les rejeter, ou en tout cas les travailler autrement. Bah, l'AMK, j'ai l'impression que c'est pas une idée, c'est pas une école, quand j'y étais, elle n'était pas hyper carrée, et moi je n'étais pas hyper carrée non plus, donc du coup, je me suis faufilé dans ce truc, et j'ai pu faire ce que je voulais, c'est une bonne école pour ça, parce que... Les gens ont des projets qui sont très narratifs et très classiques, en tout cas très, très bien réglés au niveau scénario et storyboard. Et d'autres gens comme moi qui peuvent faire le. On est juste à côté, on a un dialogue interne à côté et on est libre. En fait, ça, c'est, je trouve que c'est quand même le gros avantage de l'AMK, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de direction artistique importante. C'est une des seules écoles, je pense, avec les arts déco, on peut faire ce genre de choses. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez, vous, des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Vous parliez tous les deux tout à l'heure des galeries et je me demandais pour vous quelles sont les meilleures conditions pour voir vos films. Enfin, ça dépend peut-être des films, mais je me demandais ça. Les meilleures conditions. Est-ce que c'est les meilleures conditions? Est-ce que c'est dans une galerie? Est-ce que c'est sur un grand écran? Vous préférez que vos films soient montrés sous quelle forme en fait? Sous quelle forme? Ça dépend. En fait, par exemple, Horizon, c'est un exemple un peu bizarre pour moi parce que c'est justement, c'est plutôt un film pour moi, donc je préfère que ça soit mis en cinéma parce qu'on a des très bonnes conditions de projection. Mais je l'ai aussi des fois exposé en boucle, en tout cas dans une salle d'expo, avec des dessins originaux et là, ça donne aussi un autre rapport en fait à l'espace et au travail. Donc, ouais, ça dépend vraiment du film, je pense, et de comment. Moi, je suis assez intéressé par la mise en espace des films en général. Je pense que de toute façon, le cinéma il peut aussi exister dans l'espace d'exposition et dans l'espace du cinéma. Donc, ça, je pense que ça Avant que Georges réponde, Georges Boris, juste là on voit Caverne, alors c'est la version, positive version. C'était quoi Caverne, justement, pour parler de l'espace d'exposition, et après on laissera Georges répondre. Ouais. Ça c'est un projet que j'ai fait à l'EPCA. En fait, c'est même pas un projet pour l'exposition, mais c'était des. Ça c'était le matériel vidéo que j'utilisais pour projeter sur, dans une carrière en fait, à côté de l'Angoulême. C'est les carrières de calcaire là-bas, et c'est assez impressionnant. C'est des grandes salles assez impressionnantes. Donc on peut avoir, voilà, on peut avoir justement le lieu avant même finalement. Ouais. Tu parles de vidéo mapping, voilà, finalement maintenant l'animation, que ce soit sur l'écran cinéma, que ce soit dans la galerie, que ce soit en extérieur, que ce soit dans les portables, finalement, maintenant il faut, je pense qu'on peut juste tout utiliser. Moi je suis pour l'instant, je me limite plutôt au cinéma et à l'espace d'exposition, mais ça pourrait être ailleurs. Georges, toi les meilleures conditions pour toi pour voir tes films? Pour moi, la meilleure condition, elle existe peut-être, c'est d'être avant un long métrage. Mais en tout cas, sur grand écran, disons, pour mes films, j'aime bien les voir en grand. Sur un portable, comme ça, ça, c'est quand même différent. Dans les festivals, c'est bien aussi, c'est en grand. Simplement, ça dépend aussi quel film il y a avant et après, des fois. Et puis, de voir beaucoup de courts métrages, c'est pas l'idéal. Le moment, chaque histoire différente, chaque dessin différent, c'est plus difficile que de suivre un long métrage. Tu disais que les conditions parfaites étaient ce que tu avais vécu, notamment à La Rochelle, ils avaient mis. Ah oui, là c'est. Avant un film de prise de durée, ils avaient mis. Ils avaient mis mes films avant des longs métrages de Billy McWilder. La salle était chaque fois pleine. Ils étaient obligés de voir mon film, mais. T'as eu des réactions juste par rapport à ça, c'est à La Rochelle, Bill Wagner, il venait voir ça, il voyait un film de George Clooney, il y avait des gens qui venaient te voir. Je sais que certains d'entre vous, vous aimez bien être en festival, justement, pas forcément d'animation, parce qu'il y a des réactions qui sont complètement différentes que les réactions des festivals d'animation. Oui, oui, c'est bien d'avoir des réactions différentes. J'ai aussi eu une autre manière d'avoir des réactions plus neutres, parce qu'en général, c'est les... ou des amis ou des gens qui aiment bien notre travail, qui viennent nous féliciter. Mais j'ai fait une tournée aux États-Unis avec, pour montrer des films dans les studios d'animation. Et puis là, c'était Ron Diamond qui organisait ça. Et chaque spectateur, il devait remplir des questionnaires. Et après, il nous a donné ça à chacun. Il nous a donné les réactions du public, des gens qui ne connaissent pas. C'est quoi, celui qui ne comprend rien? Donc on avait des réactions différentes de celles qui avaient l'habitude. C'était beaucoup plus enrichissant pour avoir une idée plus objective de son travail. Boris, par exemple, et on va plus centrer sur Genesis, mais justement, certains disaient, là dans la section Filmits, le film arrive presque à la fin. Ils disaient que c'était compliqué, après tous ces films-là, que la projection était bien évidente, et de voir le film à la fin, il n'était pas forcément justement mis en... Ouais, oui, c'est ça, même si c'est des gens qui viennent spécialement pour voir, et l'accumulation comme ça de films, alors que moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir à Zagreb la semaine dernière, il était dans le programme numéro 1, et donc, qui est le programme d'ouverture, parce que Zagreb permet justement, fait l'inverse d'Annecy, c'est-à-dire met le court-métrage en avant, ça c'est très important, les premiers, et ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait, alors je ne sais pas si c'est l'ambassadeur de France, enfin voilà, il y a quelqu'un d'important, et j'ai appris après qu'il avait dit, mon film préféré c'est Orogenesis, et il disait, pourtant, genre de film que je n'irai jamais voir de moi-même, on va dire, mais là, le voir d'un seul coup dans une salle, c'est, ça m'a marqué. Ça, c'est intéressant de, voilà, je sais pas, d'être. Pas forcément toi dans le film, ouais, c'est vrai que les conditions de projection, ça fait tout, quoi. Si le son est trop fort, d'un seul coup, tout le monde est là, ça marche pas, si c'est pas trop bas. Et donc, voilà, on est vraiment dépendant des conditions de projection, de l'endroit où on a mis notre film. Et ça, c'est un peu frustrant parfois c'est très bien, c'est un peu la loterie, quoi. L'idéal, c'est presque de voir le film uniquement, c'est-à-dire de voir votre film et puis de rien voir. Un film, il est fait pour fonctionner tout seul, à la base. Mais c'est vrai qu'on peut pas dire, on peut pas demander à des gens d'aller voir un film, un court-métrage de 10 minutes et sans s'en aller à la maison, quoi. C'est intéressant, cette idée de projection. On pourrait en faire un débat justement sur la programmation qui est assez passionnant. Le travail sur l'image de synthèse, j'ai juste montré une petite image. Oh, normalement, je l'ai là. Donc, c'est presque. Alors, pareil, c'est, je coupe deux secondes, c'est presque terrible en fait avec ton cinéma, c'est qu'on va montrer un extrait, et l'extrait en lui-même a du mal à fonctionner en fait. Bah, il faut le temps, quoi. Ouais. Souvent c'est un peu long, en plus j'ai beaucoup fait les plans séquences, avant plan séquence, on me donne une minute d'un plan séquence, ça ne me pas vraiment quoi. Mais c'est comme un trailer, la plupart des trailers, c'est fait juste pour donner envie ou de créer quelque part, mais c'est pas vraiment intéressant. C'est là où il y a une narration quand même, c'était intéressant, il y a 2-3 ans, je suis sur le festival Molochet qui travaille sur pellicule grattée, hein, et qui disait qu'il avait de toute façon un rythme comme par exemple sur ses films, c'est l'un des films Casino est en compétition. Cette année au festival, il disait, mais des fois j'ai l'impression de faire un western, ou alors je vais faire un polar, et en fait le rythme, ou une comédie, et le rythme, je vais essayer voilà, de mettre ce rythme-là sur le film. Toi aussi, un peu de ça, des fois, de se dire sur certains films, tiens, si j'avais une tension un petit peu différente, ou si je jouais là-dessus. Je sais pas trop, en fait, je fais vraiment ça au feeling, comme tu disais, au chinois, ça aurait pu faire, là ça fait 7 minutes 50, mais ça aurait pu faire 8, 30 ou 5. Mais à un moment donné, je fais des tests et je vois ce qu'il faut, quoi. Comme la rapidité de scène. Au début, c'est très très lent, et après ça s'accélère, et j'aime bien stylé, ça redevient très très lent. D'ailleurs, ça ressemble pas à la pierre dans ce sens-là, où l'accumulation qui revient à rien. Je vais juste mettre le début. Ce qui est pas... Est-ce qu'on pense au moment de stupeur de la salle qui se dit, oui, il y a un problème technique? Là, il y a tout le monde qui souffle. C'est ça. Les gens, je me rappelle, la séquence, le frisson, dans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème sur le son. Est-ce qu'ils vont vite l'arrêter ou pas? Et est-ce que ça, voilà, c'est une inquiétude ou pas? Non. Moi, c'était pas vraiment un jeu sur ça. Il y a ce compositeur qui a eu cette idée-là, juste de couper. C'est pas forcément mon idée. J'avais juste dit, ah, ça peut être intéressant de travailler avec un cœur. Pyrénéen, c'est, en plus c'est hyper bizarre parce qu'après ça part sur l'électro étrange. Mais en fait, l'idée c'est de partir un peu de l'idée de la carte postale, du côté un peu vieux, traditionnel, pour aller vraiment complètement dans un autre monde plus électrique. Quoi. Toi, c'est ton monde, tu disais les Pyrénées, c'est là où t'es né, c'est t'adores cet endroit. Donc tu parles de là, quand moi je me rappelle, je l'ai vu, on l'avait vu, t'étais là, je te disais, c'est vrai que ce qui m'avait épaté, c'est de voir comment on travaille sur une image en effet qui est simple, qui est presque une image de fond d'écran, on pourrait dire, ouais. Et comment tu travailles de ta petite côté organique, comment tu joues là-dessus sur quelque chose de presque simple. Là, en fait, c'est des images que j'ai pas prises en photo moi-même, enfin, je les ai prises en photo dans le logiciel de Google Earth. Même pas modélisé moi-même les montagnes, hein, déjà modélisé, j'ai juste pris en photo dans le logiciel. Et c'est mon côté malin, j'ai arrêté de bosser. Et à partir de ça, en fait, c'est très simple, hein, c'est vraiment ce projet-là, c'est simple, c'est pour ça que j'ai pu l'autofinancer, parce que ça m'a pas pris trop de temps, pas énormément d'énergie. C'est juste un travail de morphie entre les images, pour lier, vu que c'était des photos image par image, ensuite je liais chaque image, c'est une sorte de travelling en photo. Ensuite, avec un morphing, j'arrive à lier les images entre elles. Mais ce qui fait ensuite que quand même l'ordinateur il devait chercher la transition entre les deux images. Et c'est ça qui fait que ça commence à faire des vagues. Et donc, à force, j'ai juste amplifié ce principe-là avec les multiplications. Comment s'est fait travailler avec la musique, qui est absolument évidemment. Bah, on entend les sons en général avec la musique. C'est mieux après. C'est mieux après. J'ai travaillé encore une fois avec Daniele Ghisi, qui est un compositeur italien. Qui avait fait la musique dans un cadre aussi, comme on a dit tout à l'heure, qui travaille encore avec moi cette fois-ci, sur un autre projet. Et c'est venu après, je lui ai juste dit, ben voilà, salut Daniel, j'ai un projet, je l'ai fait tout seul, si tu veux travailler, on peut le faire, j'ai pas d'argent. Mais si, c'est intéressant, on fait ça ensemble, et lui, ça l'intéressait, on est bien, on est copains, et donc on a fait notre film comme ça. Quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai dit, au début, j'avais un peu. Voilà, je lui dis, j'ai peut-être une idée de mettre un cœur pyrénéen au début, là, mais je suis pas sûr de ça, c'est peut-être un peu kitsch, tu me diras. Et donc, lui, il a commencé à télécharger des musiques pyrénéennes, il a commencé à les écouter, ça, je crois qu'il a bien aimé en plus. Et du coup, il a fait une proposition. Lors de la remise de la mention spéciale, tu as une mention à Zagreb, en ce moment, un prix par semaine à peu près. C'est pour rien. C'est Rosto, c'est chacun qui donne, et Rosto employait ce mot, et c'était le texte qui disait, mais en fait, je me suis assis dans mon fauteuil, puis j'ai commencé, puis j'étais happé par le film, et il y a un caractère hypnotique, qui, je pense qu'on doit souvent le dire par rapport à Genesis, un caractère hypnotique, et en fait, je n'arrivais pas à juste enlever mon regard de cette... Avec Rosto, à ce côté mouvement perpétuel, je pense que c'est ça, c'est un peu comme regarder un feu, quoi. Quelque chose qui bouge comme ça, mais qui en même temps, assez organique pour qu'on ait l'impression que... À chaque visionnage, ça peut être différent parce qu'il y a beaucoup de choses très complexes en fait qui sont faites juste par ordinateur. C'est pas vraiment, moi je contrôle pas tout dedans, mais voilà. Avec ce projet-là, j'ai juste essayé de chercher avec des effets simples une sorte de poésie entre quelque chose de naturel et quelque chose de complètement artificiel avec l'ordinateur. En plus, je travaille avec des images qui sont de Google Earth qui sont déjà des images qui n'existent pas, c'est des images satellites plaquées sur des trucs 3D. Quoi. Est-ce que tu penses, parce qu'on finit aussi, je vais juste hop. C'est pas bien, mais montrer, oui, j'essaye là. Non, mais montrer là, est-ce que je vais avoir en plus, c'est ce qu'il y a. C'est qu'à la fin du film, on est quasiment dans quelque chose de. Alors là, vraiment d'organique et on a besoin d'être dans du tissu. Presque. C'est quelque chose que, voilà, qui est arrivé un petit peu par hasard où l'ordinateur te propose des. On va pas bien voir, mais te propose quelque chose et puis tu dis, ah tiens, il y a quelque chose qui est intéressant. Ouais, il y a plusieurs options. C'est ça, c'est qu'on travaille sur chaque image, donc j'avais beaucoup d'images, et on travaille sur ces fractales. L'ordinateur est capable de faire des milliers de différents rendus, en fait, avec cette même technique, si on peut dire. Et j'ai juste choisi celle-ci parce que ouais, je trouvais qu'elle était assez belle, et ouais, ça va être sur la surface. J'aime bien l'idée qu'au début, on part sur un peu de la 3D, puis finalement, on finit sur quelque chose qui est plutôt plat, quand même très plat. Et j'aime bien cette idée, ouais, comme si un tissu ou un. Atomes, ça pourrait être quelque chose d'un peu. Est-ce que tu penses que le cinéma en image de synthèse commence à devenir, à avoir un langage beaucoup plus élaboré? Georges disait tout à l'heure que les choses au tout début étaient très vilaines et vraiment quelque chose de très laid au niveau de l'image de synthèse. Et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver, je ne sais pas ce que tu en penses, sur l'image de synthèse. Je voudrais juste vous montrer, hop, si je le trouve, ce n'est pas prévu. Et évidemment, je ne suis pas sûr de la voir, c'est peut-être là. Juste vous montrer un tout petit peu un extrait d'un film qui s'appelle Lui de Nikita Diagoro et qui amène le cinéma de David Oreilly encore un peu plus loin avec une narration, avec quelque chose d'autre. Dans le calcul d'image de synthèse. Est-ce que là, toi, par exemple, et peut-être, je ne sais pas, toi, en tant que spectateur, vous avez dit que tu ne touchais pas l'ordinateur, mais est-ce que tu trouves qu'il y a un langage entre Genesis, ce film-là, petit à petit, qui se développe? Des gens qui travaillent sur le glitch aussi, sur tout ce qui est erreur de compression ou erreur de traitement vidéo. C'est hyper intéressant. Après, peut-être que ça aura peut-être ses limites aussi. Mais là où je trouve que c'est super, c'est que sortir du réalisme de la 3D qui est un truc facile et en plus qui ne fonctionne pas. Quoi. Enfin, ça dépend des fois, mais j'ai l'impression que la prise du rêve fait déjà très bien des choses réalistes, justement. Quoi. Donc faire des choses comme ça en image synthèse, moi je pense que c'est, pour l'instant, c'est vraiment une bonne option. Quoi. Est-ce que toi, Georges, en tant que spectateur, tu vois. Mais j'ai pas vu, je connais. Oui, oui, non, mais par exemple, quand j'ai dit ce que tu as vu, etc., est-ce que justement, toi qui étais critique tout à l'heure sur l'image de synthèse, tout à l'ordinateur, en disant que la première fois que tu venais à Annecy, c'était pas forcément très beau, c'est vrai que les tentatives réalistes d'image de synthèse à une époque étaient, on se rappelle même des premiers Pixar en court métrage, qui étaient très voilà, garés, qui n'étaient pas tellement. La chair était triste. Et est-ce que toi tu ressens quelque chose? Tu sens y a des films que tu vois comme ça, d'image de synthèse, où tu dis tiens là, on trouve quelque chose qu'il y avait avant dans l'animation plus traditionnelle. Mais bon, le premier Pixar justement qui avait bien utilisé l'image de synthèse, c'était Luxo Junior, c'était extraordinaire, c'est donc de bureau qui était plus réaliste que les vrais dents de bureau. Ça m'avait épaté, je l'ai trouvé magnifique ce film, parce qu'avant c'était, la publicité c'est qu'il y avait je crois 12 000 arbres différents avec une abeille, etc. C'était inintéressant, c'est contraire. Mais récemment, je n'ai pas dit, je vois qu'on peut le faire, c'est des choses magnifiques. On peut parler, Boris, de ça, on va regarder la bande-annonce. C'est un projet un peu étrange, même pour moi. En fait, c'est un peu le contraire de d'habitude. C'est précisément mon ami professeur Daniel qui est venu vers moi parce qu'il a un projet de concert en fait, avec l'Orchestre National de Lyon l'année dernière. Et il a l'habitude, en fait, un budget pour faire à la base, il voulait faire un travail avec un programmateur et faire un jeu vidéo qui était joué en interaction en fait, avec l'orchestre. Ce plan en forêt, apparemment, et donc il m'a appelé en urgence en disant oui, c'est une vidéo de 10 minutes. Donc j'ai travaillé un mois et demi, deux mois pour faire ça. En fait, il y avait une maquette sonore de ce projet-là et moi j'ai essayé de donner un corps avec la vidéo sur ça. Donc le projet, c'est vraiment un concert vidéo avec un orchestre, une vidéo projetée derrière. L'Orchestre de Lyon, c'est ça? Oui, l'Orchestre de Lyon et puis musique électronique. Donc la vidéo plus la musique électronique était fixe. Quoi. Juste pour montrer un tout petit peu, je pense que ce qui a surpris les gens, et c'est peut-être ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, tu essaies de travailler, c'est que pour certains, quand on disait que ce n'était pas d'animation, j'exagère en fait, ça n'a rien à faire dans un festival d'animation, c'était d'animation, mais ça n'a rien à faire dans un festival de cinéma, et qu'en fait ce film-là, et ça reprend la question tout à l'heure, devrait être projeté en galerie, devrait être projeté dans le genre, mais pas dans une salle de cinéma, il y avait ce côté-là. Ouais, en plus, les gens ont un peu du mal à comprendre, peut-être qu'il y a comme c'est une pièce sonore qui a un concept fort, mais en même temps un petit peu difficile à capter, du premier abord, peut-être que justement, dans ce cas-là, la salle d'expo est pas mal, parce qu'on peut voir ça plusieurs fois, on peut avoir même parfois une explication à côté, et parfois les musées font ce truc pédagogique aussi, qui est parfois pas mal, des fois c'est trop, mais du coup, moi j'ai jamais exposé en musée d'ailleurs, mais le faire, je sens que ça serait bien. Qu'est-ce que vous pensez du fait de devoir. Je vous pose la question, c'est une petite parenthèse, c'est qu'il y a ici Matthew Rankin pour Tesla. Certains disaient, voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé le film, et d'entendre le réalisateur parler, certains disaient, bah tiens, je vais peut-être aller le revoir parce que finalement, il est complètement. Il pourrait pas être complètement anecdotique sur le travail de Tesla, qui est évidemment un grand scientifique, et puis d'un seul coup, de l'entendre parler, ah bah, il y a peut-être des choses cachées, est-ce que. Pour vous, un film doit être absolument compréhensible sans la parole de l'auteur, ou ça peut être intéressant d'avoir la parole de l'auteur, comme tu disais, dans ce petit mot à côté expliquant. Ça dépend pareil, ça dépend un peu des projets, des films. Ça dépend des projets, mais c'est vrai que moi j'aime bien être pédagogique, même dans les rencontres que je fais, j'essaie de bien expliquer, de ne pas, de ne pas prendre les gens pour des cons, même si des fois, quand un projet est un peu compliqué à comprendre, les gens ont vite l'impression que c'est pas fait pour eux, ou que, et ça, je n'aime pas trop ce rapport de l'artiste qui serait un peu au-dessus et, intellectuellement et tout ça. Donc, mais par contre, ce n'est pas pour ça non plus qu'il faut primacher le boulot à tout le monde et parfois faire un projet. Bon, faut pas des projets qui sont incompréhensibles, mais faut faire tel qu'il doit être. Et s'il faut ensuite expliquer, c'est bien. Toi, Georges, j'aime bien que le film parle pour lui-même, pas forcément avoir à parler à côté. Ou... Non, je pense qu'il y a des films qui sont faits pour être dans un autre contexte. Par exemple, les films de William Kentridge, ils sont mieux dans des installations, dans des musées, que dans un festival. Ils disent c'est plus adapté à une installation. Donc, avec, en plus, l'explication, c'est ça, de l'auteur, en expliquant un petit peu son processus, plutôt pas forcément qu'un film. Oui, puis on voit aussi des décors, ou bien. Par exemple, il a fait une mise en scène pour un opéra. Donc, on l'a. Moi, j'ai vu dans un musée ou même d'autres films, je trouve que ça passe mieux qu'au milieu d'un festival beaucoup mettre. Est-ce que tu t'es pas lancé dans l'autoproduction aussi récemment? Est-ce qu'il n'y a pas des films que tu as fait récemment? Tu disais que tu ne faisais peut-être pas avec des financements traditionnels, je me trompe. J'ai... Tu peux me tromper, tu peux là. Non, j'ai fait un film sans financement parce que je pensais qu'il serait fait très rapidement. Ça m'a pris quand même 6 mois, mais je suis content d'avoir fait ce film. J'avais une idée, je voulais le faire très vite, et je voulais surtout qu'il n'y ait pas de logo à la fin. Bon, c'est pour ça que j'ai pas voulu. Boris, toi aussi, on en parlait ensemble, l'idée d'avoir un projet financé qui demande du temps, où on va attendre que les régions, et même si c'est extraordinaire, mais voilà, la CNC répond. Et puis surtout, comme Orogenesis, à faire des films où d'un seul coup, comme disait Georges, absolument faire le film, alors pour une raison particulière ou autre. Ouais. Parfois, on a juste besoin, envie de faire un film et pas envie d'attendre que ça tombe. Quoi. Donc, au lieu d'attendre que la loterie tombe, il y a plein de gens qui ne font pas leur film parce que ça tombe jamais. Orogenesis, c'est une idée assez simple, avec une technique pas trop compliquée, donc pourquoi attendre? J'y vais, en plus, j'avais la chance d'être intermittent, donc j'ai du chômage en fait. Je travaille sur mon chômage. Et en même temps, ça, j'écrivais mon prochain projet pour être plus financé et je faisais ça un peu en parallèle. Et ce qui est bien, c'est que finalement, celui que tu as fait. Il marche aussi bien. Donc j'ai arrêté de financer mes films. C'est encore plus facile. Est-ce que il nous reste 5-10 minutes avant l'autre invité? Est-ce qu'il y a une question dans la salle par rapport à ça, ou une question par rapport à ce qu'on a dit ce matin entre Boris? Il y a quelqu'un qui fait toutes les choses, donc il n'y a pas forcément de questions entre Boris et Georges. Est-ce que vous deux, vous faites est-ce que tu fais de la musique, toi, Boris? Non, mais après, j'ai fait le son de Kyriel, par exemple. C'est une chose assez simple, je crois, mais j'ai arrêté après ça. C'est la dernière fois que j'ai fait un son pour un film, c'était Kyriel. Il n'y a pas forcément envie de revenir à ça, ou de. Non, justement, ce que tu disais, la relation avec le compositeur t'apporte énormément et donc tu préfères que quelqu'un d'autre le fasse. Ouais, je crois que j'aime beaucoup travailler avec quelqu'un d'autre. Déjà, j'ai beaucoup de contrôle sur tout ce qui est l'image et le film. Soit quand le film est fini ou soit en cours de film, quand quelqu'un me propose quelque chose, là, il y a une richesse qui vient, comment je le vois. Donc, j'ai aucun intérêt à arrêter ce genre de collaboration. Georges, toi, pas musicien. Quelle est la question? Pas musicien. Non, je suis pas musicien. Je suis pas de musique. Est-ce que le rapport, est-ce que tu travailles maintenant, ton fils est un pianiste renommé, est-ce qu'il y a une relation différente d'un seul coup quand on connaît bien quelqu'un comme ça et de travailler avec lui? Est-ce que tu. Des fois, il peut te proposer des musiques en disant bah, tiens, ce serait peut-être pas mal que tu fasses un film là-dessus ou... Non, là, c'est plutôt moi qui ai choisi les musiques que j'ai entendues. C'est ça qui m'a inspiré. Par contre, quand on demande à quelqu'un de faire la musique, alors là, ça peut. Apporter, à part la musique, ça peut aussi apporter la vie, des conseils auxquels on n'aurait pas pensé. Il y a un échange entre la personne qui a composé la musique et moi qui ai fait le film. Là, le côté solitaire visuel, ça vous garde pour vous, en tout cas, plus ou moins solitaire, on l'a vu, mais c'est ce rapport au moins avec le musicien qui est vraiment fondamental. Moi, maintenant, je choisis mon musicien avant de commencer le projet, et il a déjà le dossier du film, en fait. Donc, on discute dès le début, mais souvent, ça, c'est à la fin. Et même tu peux imposer, par exemple, là sur ton prochain film, quand j'ai imposé, par exemple, dans la production, et dire, bah, il doit venir, il est venu à cyclique. Ah, oui, oui, en fait, ça s'est imposé, c'est juste, j'ai dit à sa couleur, et le compositeur va venir, on va ensemble, et il est venu, et on défrayé le billet de train, c'est super. Pas imposé, on verra avec Pierre, on verra tout à l'heure, c'est justement, parce que souvent les musiciens se plaignent en se disant, bah, on est rarement inclus, le qui était là, le regard qui était là l'année dernière, on en parlait, on est rarement inclus dès le début du film, et on arrive un petit peu en retard, et. C'est souvent compliqué dans ce cas-là de. Pour Danse Macabre, j'avais commencé mon projet et c'est au milieu où j'ai proposé la musique à Daniel. Mais depuis ça, quand je travaille sur un projet, à part sur Eugenesis, où je suis arrivé sur la fin aussi, je me dis, ah, bah, j'ai ce projet-là, parce que je n'étais pas encore sûr de moi. Je n'avais pas fini, je n'étais pas financé. Enfin, voilà. C'est compliqué de parler à quelqu'un, ouais, j'ai un projet, mais il n'est pas fait, il n'y a pas d'argent. Alors je préférais finir la vidéo et lui proposer ensuite. Mais sinon, pour un projet financier, je préfère avoir quelqu'un et quelqu'un de confiance avec qui on peut discuter dès le début. C'est aussi un musicien, j'aime bien voir les images terminées, ça m'inspire plus comme moi, j'aime bien être inspiré par une musique existante. Donc je comprends. Mais par contre, si on peut en discuter avant, donc échanger avant de savoir un peu plus ce qu'il va faire, ça c'est bien. Mais c'est quand même mieux que l'image soit finie. L'inspiration musicienne, je trouve. Vous avez, pour finir, s'il n'y a pas de questions dans la salle, question triviale sur les prix. Tout à l'heure, Georges, cette année, tu vas avoir le cristal d'honneur ici. Est-ce que c'est des choses qui vous importent, ces prix? Et toi, tu vas nous parler, Boris, si tu peux commencer. Est-ce que ces prix, c'est important? Alors, il y en a qui sont un peu plus, quand tu es résident, je suppose, à Vienne. C'est un peu plus intéressant, peut-être comme président, comme prix, je ne sais pas, que d'avoir juste un bout de papier. C'est quoi votre rapport à ces récompenses? Ça fait plaisir. Après, on connaît les aléas des prix. C'est aussi un peu de la loterie, même si c'est bien qu'on mette en avant certains films plus que d'autres. Mais après, c'est bizarre d'être en compétition sur des choses qui ne sont pas du sport. On ne fait pas un prono. Mais bon, en même temps, c'est les prix, ça, moi, je sais que ça m'a permis de. Et ça m'aide à travailler ensuite, quoi, en fait. Donc, c'est juste merci, merci pour me donner un prix, ça va m'aider pour bosser plus tard, quoi. D'accord. C'est pas juste, c'est pas une reconnaissance par rapport à l'œuvre complètement, ça va être là d'un seul coup. Mais quand même, on prend un pour ça aussi, si quand tu gagnes un grand prix dans un festival, ça m'est arrivé sur les hommes un petit peu, et j'étais fier de moi, j'étais content, quoi. Que 4-5 jurys décident que ce film, ça sera le meilleur, c'est quand même quelque chose, quoi. Mais après, je ne fais pas les films pour les prix, je suis juste content d'en avoir. Georges, toi, le cristal d'honneur à Annecy. Non, ça fait énormément plaisir, bien sûr. Mais les prix en général, quand on est en compétition, même si au début, on se dit, bon, je ne vais pas avoir le prix, petit à petit, on se dit, pourquoi pas, en fait. C'est quand même très aléatoire, surtout si on a fait partie. Le jury, donc, devient déjà beaucoup plus tolérant pour le choix des jurys, parce qu'on se rend compte que c'est pas la vie d'une personne, c'est la vie de plusieurs personnes, et que des fois, un film qui est vraiment bien, il va jamais avoir le grand prix, parce que s'il est vraiment bien, il ne plaît pas à tout le monde, s'il plaît à tout le monde, ou des fois, il y a deux très très bons films qui se disputent, et c'est un troisième qui va gagner, si c'est l'unanimité, enfin pas l'unanimité, mais on est d'accord pour ça. Moi, je me rappelle, j'ai eu le plaisir de faire un jeu avec toi à Monia Lucas, et d'un seul coup, tu voulais absolument un film, et en fait, d'un seul coup, dire tout le monde n'était pas forcément pour ce film-là, et de l'abandonner quand même, plutôt que d'absolument vouloir résister, dire non, ça doit être ce film-là, je pensais que c'était le meilleur, et de pouvoir justement abandonner ça, ce qui fait que je pense, en effet, comme tu dis, quand t'as pas le prix et qu'on vient de voir tous les spectateurs, ou je sais pas, oh, là, tu dois avoir le prix cette année, c'est forcément. Plus facile, entre guillemets, de se dire bon, on ne sait pas ce qui s'est passé là. Le pire, c'est quand on a fait un film qu'on trouve très bien, qui a des chances, et puis comme on commence par les prix les moins importants, plus ça avance, plus on y croit, et quand on l'a pas, la déception est assez grande. La réaction du public, tu peux garder qu'est-ce que vous pensez derrière, cette fois-ci, dernière question, la réaction du public, des fois, peut être importante. Je crois que tu disais que sur l'un de tes premiers films, qui était un peu trop long, je sais pas, mais plus d'anecdotes, et tu disais que, vu la réaction du public, tu disais, ok, peut-être que là, j'ai voilà tes films que j'aurais voulu. Il était hors compétition à Annecy, il y a très longtemps, c'était en 78, je ne sais pas, par le coup. Et il avait mis en compétition, je me disais, ce film extraordinaire, le jury a un mauvais goût. Et les gens vont dire, pourquoi ce film n'est pas en compétition? Il a passé à 23 heures, quand on a bien mangé, depuis au bout de 1 minute et demie, 2 minutes, il durait 7 minutes, je crois. Il y a des gens qui ont commencé à lancer des avions. C'est seulement là que je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas extraordinaire. Une humilité quand même par rapport au spectateur, toi Boris aussi, des fois tu peux dire, tu es dans une salle, tu dis, ah, tiens finalement, bon, t'as moins fait film que Georges, je ne le sais pas, mais tu sais, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je l'aurais voulu, et puis après, ben, c'est là, changer ça. Mais après, moi je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il y a la moitié de la salle qui aime et l'autre moitié qui n'aime pas, donc. Mais ça c'est bien quoi. Moi je me souviens, la première fois que j'étais à Annecy, c'était pour Kyriel. Et j'avais vraiment l'impression à la fin de Kyriel, moi j'étais assez stressé et assez mal quand j'ai vu mon film, en plus c'est très long et très lent, et j'avais vraiment l'impression que la moitié était un peu fascinée et l'autre moitié était dégoûtée, quoi. C'est trop long, quoi. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des publics aussi qui sont, je suppose, différents? Le public d'Annecy, elle peut être plus turbulent, entre guillemets, je suppose qu'il y a plus impatient à Annecy, ça se sent. D'ailleurs, moi je l'ai vu sur Genesis, direct dès le début, ça me dit, ah mais ça marche pas, enfin. On sentait la bah ouais, un peu une petite tension, quand le film part vraiment, ça va. Mais, alors quand tu le présentes, il y a la short. Ouais, ben non, c'est qu'il n'y a que des films expérimentaux, donc d'un seul coup, les gens perdent ça. C'est un peu étonnant, ouais, chaque public a sa réaction. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Merci infiniment. Merci à Fiat. Voilà.